Minuit 2h. Si je ne serais pas intelligent, je ne ferais pas des débats, hein, Brouty. De Gérard. Bonsoir à tous, bonsoir Hugo, bonsoir Manu et bonsoir Pilar. Donc bonsoir, on va attaquer les débats. Bonsoir. On va attaquer les débats en espérant que ce coup-là, ça fonctionnera un petit peu mieux que les autres durant l'année dernière qu'on avait fait. Bon, je fais qu'une fois par mois pour l'instant, donc on va essayer de faire quelque chose de potable, si ça veut bien écoutez ce qu'on dit. Alors, pour ça, on accueille Télé-Scrotte, 25 ans de Paris, on écoute Fun Radio 100.9, bonsoir à toi. Bonsoir Gérard, bonsoir l'équipe. Bonsoir. Salut tout le monde. Bonsoir. Petite orbite, 24 ans de Toulouse, 96.8. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et Suceuse, 27 ans, Dijon, 103.4, bonsoir à toi. Salut GG, salut Manu, salut Finda, salut Rigo, salut Suceuse. Roosevelt, 23 ans, Bordeaux, 95 FM, bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Jean. Salut, je viens de te dire bonsoir. Ok. Bon. Alors, débat sur les ovnis et les extraterrestres, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000, lire c'est www.funradio, c'est Rigo qui vous y accueille. Donc sur l'IRC, je préviens tout de suite que les questions, j'y répondrai petit à petit. Mais si ça concerne Sandy, ce n'est pas la peine de me les annoncer. D'accord, Rigo ? Ouais, bien. Il y a le Minitel aussi, non ? Non, le Minitel, il fonctionne pas. Alors, si, ils en ont remis un en dessous, là, je le vois. Il y en a un en dessous. Donc, 3615, Code Fun Radio, rubrique direct, et voilà. Donc, alors, première question. Pensez-vous que les ovnis ou les extraterrestres existent-ils ? Existe-t-il ? Oui, bien sûr. Si oui, où ? Alors, pour ça, on va demander à Télé-Scrotte. Moi, pour l'instant, dans l'avenir, dans le présent, je veux dire, j'y crois pas trop. Mm-hmm. Mais je pense que dans un avenir proche, ça pourrait arriver. Les extraterrestres, c'est plutôt un truc du futur. Ouais, mais les ovnis et les extraterrestres, hein, j'ai bien précisé les deux. Hein. Les ovnis et les extraterrestres, c'est pareil, c'est les trucs du futur. Donc, il faut laisser le temps que ça vienne. Ouais. Faut pas trop devancer les choses. Mm-hmm. Hein? Non, mais pour toi, Pour l'instant, non, c'est pas crédible. Pour l'instant, c'est pas crédible, mais d'ici quelques années, pourquoi pas, hein. Moi, mm-hmm. Je suis ouvert, y a pas de problème. D'accord. Petite orbite. Oui, alors moi, personnellement, j'y crois complètement. Mm-hmm. À mon avis, et on a même qui ont envahi la Terre, tu vois. Je suis sûre qu'on peut en rencontrer dans les environs de Paris. Je pense pas, non. Je sais pas. En tout cas, je suis sûre d'en avoir déjà entendu ou rencontré, quoi. Ok. Suceuse. Ouais, moi je crois au contraire qu'ils existent, mais pas sur Terre. Mmh. Et qu'en fait ils nous observent, mais qu'ils pensent qu'on n'est pas. Non, mais comment tu veux qu'ils puissent nous observer s'ils nous voient pas ? C'est ça le problème. J'ai pas dit qu'ils nous voyaient pas, j'ai dit qu'ils n'étaient pas sur Terre. Mmh. Télé-Scrotte, petite orbite, hein, si vous voulez des fois réagir dessus aussi sur la question quand je demande aux auditeurs, vous pouvez, hein, okay, sans que ça fasse trop le bordel entre vous, hein, d'accord ? Ok, pas de problème. C'est bon, je peux continuer ? Ouais. Je pense qu'en fait ils nous observent, mais qu'ils nous croient pas assez développés en fait pour les accueillir. Donc on est encore un peu primaire pour eux. Mmh. Ouais, mais dans quel sens que tu vois ça, qu'ils nous ont. Dans quel sens tu vois ça sur ça ? Ben, c'est vertical, je veux dire, ils nous regardent de l'espace sur la Terre, donc. Mais ils nous regardent avec des télescopes ou des trucs comme ça ? Ouais, des gros télescopes. Mmh. Ouais, d'accord. Roosevelt ? Ouais, alors moi je pense que ça existe carrément pas. Parce que sinon, ça ferait bien longtemps qu'ils seraient venus le voir. Mmh. Un petit coucou, un petit coup de pouce. Et voilà. Mmh. Ouais, non, mais réveille-toi quand même, Roosevelt, quand je pose des questions, parce que si. Pas de problème. Non, parce que si tu t'endors déjà sur la première, qu'est-ce que ça va être par la suite, hein ? Ok, bon. Donc, essaye d'avoir un peu plus la patate, parce que sinon, on va s'endormir avec toi et ça va pas coller, on va pas pouvoir continuer comme ça, hein, je te le dis gentiment, hein. Oh là là. Ok ? D'accord, pas de problème. Bon, moi je peux vous dire que personnellement, moi j'en ai. Pour l'instant, tout le monde dit que ça existe. Je pense que vous connaissez Jean-Pierre Sauzère. Ouais. Bon, lui, justement, j'avais demandé à ce qu'il participe au débat. On l'a pas, c'est dommage. Ah, mais il sera là tout à l'heure parce que là, il avait un truc à faire. Il terminait une chanson, donc on l'aura dans. Parce que lui. Un quart d'heure, 20 minutes. Parce que d'après lui, pour lui, les extraterrestres et les ovnis, ça existe. Hein, c'est ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il dit toujours. Hein. Ouais. Ah ouais, on va voir. On l'aura tout à l'heure, oui. Mais moi, je peux vous certifier par A plus B que ça n'existe pas et j'en ai pas encore vu. Mais tu nous avais dit que Bill, c'était un extraterrestre. Non, mais attention. Faut pas, parce que je dis si Big Bill est un extraterrestre, enfin, ce qui est faux, Parce qu'en fin de compte, c'est un personnage, c'est un être humain qui se met dans la peau de, d'un extraterrestre qui est déguisé. Ah bon, quand même 6 mois avant de le découvrir, quoi. Non, non, mais moi, je le savais bien avant, et parce que... T'as gardé le secret, alors. Bah ouais, mais j'ai gardé... Big Bill, en fait, le mec qu'on voit dans la télé, enfin, dans la télé, qui est dans la télé, c'est en fait un mec qui est déguisé. Ouais, c'est un mec qui est déguisé, qui s'est déguisé en Big Bill. Non. Si, si, si. Non, non, je peux vous le dire, parce que j'ai lu dans un article, et ça, je peux vous garantir que c'est vrai. Il est bien fait, le Ah bah ouais, mais ça, de toute manière, c'est la production qui l'ont fait comme ça. C'est un mec dans un costume. Ah ouais, d'accord. Il a bien gaulé, le mec, pour rentrer dans le costume. Toute sa famille, c'est pareil, Gérard. Ah, ça, je peux pas te dire, parce que moi, j'ai lu que l'article sur celui qu'on voit qui parle avec la gaffe, c'est tout. Le mec qui rentre dans le costume, c'est pas un lien de parenté avec toi? Non, pas du tout, tu vois. Qui c'est qui vient de dire ça? Roswell. C'était pas du tout méchant, mais vu que... Mais non, mais tu commences pas à vouloir parler de ma famille, sinon tu vas dehors. Ouais, mais alors, que t'avais l'air très au courant de... Ouais, c'est parce que t'as l'air renseigné. Mmh. Non, parce que moi, j'ai lu ça dans un article, c'est pour ça que je peux vous le dire. Donc c'est un acteur, en fait. Voilà. C'est un être humain comme nous qui a été mis dans la peau de Big Deal. Voilà, c'est la honte, quand même. Que c'est un peu tromper les gens, quand même, quelque part, de leur faire croire aux extraterrestres, alors que c'est faux, c'est un peu de la tromperie, ta part de TF1. Bah, disons, c'est pour essayer d'avoir un peu plus de limites sur... c'est qui a raccroché? Je sais pas. Téléscrotte. Non, c'est bon. Ah bah c'était Roswell. Ça, c'était Roswell, t'as Donc, à propos de Roswell, Gérard, sur l'IRC, il y a Noix de Coco qui voulait savoir, puisque tu vis avec, depuis combien de temps Chewbacca s'est pas épilé. Donc, lui, j'y répondrai pas, parce qu'apparemment, il veut faire allusion à quelqu'un. Bon, alors, vous arrêtez, s'il vous plaît, là, les deux nanas. Ah non, j'ai rien fait. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ouais, non, mais vous arrêtez de soupirer comme ça, parce que ça ne va pas aller. Alors, auriez-vous déjà rencontré un ovni ou un extraterrestre suceuse? Pas en vrai. Ah, c'est ça, t'as pas d'autre explication? Si, mais c'était pas en vrai, mais je sais pas trop si je peux en parler à l'antenne, là. Ah bah, on fait le débat, donc t'en parles à l'antenne ou sinon tu t'en vas. Ouais. Alors tu choisis. Bon, je veux bien en parler, hein, mais c'est quand même un peu perso. C'est assez hallucinant, en fait. C'était dans les Pyrénées. J'avais une grosse boule arrivée et j'ai pas compris du tout ce qui m'arrivait. Un ours. Dans les Pyrénées, c'est des ours, hein, c'est pas des extraterrestres. Hein. Ben non, mais tu vois, c'était trop bizarre. C'était un peu moins poilu qu'un ours, mais ça faisait même pas le même bruit. D'accord. Petite orbite. Oui, écoute, bah moi, tu viens me donner une désillusion là complète parce que j'étais persuadée que le Big Bill était vrai, hein, donc je croyais que c'était un extraterrestre, mais non, apparemment. Bah, de toute manière, tout le monde pensait que c'était un extraterrestre. Bon, maintenant, ça a été je vous l'ai dit, donc bon. C'est déçu. Non, mais même, de toute manière, ça n'empêchera pas qu'il fera quand même de l'audimat. Hein. Ouais, Rigaud. Oui, Gérard, il y a une très bonne question de culture générale sur l'IRC de la part de Jean-Louis 2000 qui te demande que veulent dire les lettres OVNI, O-V-N-I. Alors, aucune idée. Qu'est-ce que ça prépare sec? Aucune idée. Alors, ça, de toute manière, pour savoir, par exemple... De quoi, OVNI? Ouais. Objet vibrant non insurgé. On me dit organisme non introduit, voilà. Non introduit, ouais. Destroy qui kiffe les moquets, il dit que c'est un organisme vivant, niais et idiot. C'est GG en fait. Ouais, bah d'accord. Eh ben lui, le prochain coup, il. Ah, monsieur Mazur, tiens, comme par hasard. Il y avait longtemps. Monsieur Mazur, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Gérard. C'est monsieur Mazur, comment allez-vous? Bonsoir. Ça va. Bonsoir monsieur Mazur. Bonsoir mes amis, comment allez-vous? Monsieur Gérard, je suis ravi de vous retrouver à l'antenne avec un sujet aussi passionnant que les voitures, c'est ça? Non, il faut peut-être pas confondre. Ah, pardonnez-moi, au standard, on m'a dit que c'était un sujet sur l'automobile ce soir. C'est ça, bien sûr. Oh, j'ai fait une erreur, excusez-moi. C'est sur les ovnis et les extraterrestres, alors. Écoutez, ça tombe bien, c'est un sujet qui me passionne également. Eh ben alors, vous avez entendu la question pour... Absolument pas, je viens d'arriver, monsieur Gérard. J'étais avec Jean-Luc et Emmanuel au standard et je n'ai pu entendre... Non, c'était votre... pas Jean-Luc et Emmanuel, c'était avec Fildar au standard. C'est pas du tout pareil. Pas pour moi, excusez-moi, j'ai Louis défaillante ce soir. Ouais, ben je pense. Faudrait peut-être vous réveiller un petit peu mieux, hein. Absolument. Alors, auriez-vous déjà rencontré un ovni ou un extraterrestre? Alors, on va à vous de... À vous. Un ami ou un extraterrestre? Un ovni. Ah, D'accord, bien sûr. Écoutez, rencontrer, non, bien sûr, on en a vu, hein, on en a vu un peu dans les, dans le ciel, à travers les nuages. C'était ce qu'appelait, il me semble, du temps de son vivant, Alain Gilot-Pétré, des paix flamboyants. De manière, il n'y en a jamais eu dans le ciel, c'est faux. Ah, absolument, si, bien sûr. Non, parce que là, vous confondez avec l'éclipse, c'est ah, pas non, pareil. Non, pas du tout, notre stratosphère. Non, l'éclipse, l'éclipse, c'est quand la Lune a disparu cet été, bien sûr. D'accord, ok, bon. C'est bon, on va pas télescrotte. Bah écoute, moi j'ai pas eu ce plaisir de rencontrer des ovnis ni quoi que ce soit. Je suis ouvert, donc je demande pas mieux. J'en ai vu à la télé, c'est tout. Ouais, j'en ai vu dans X-Files, tout ça. Ouais, ouais, mais ça, dans les séries comme ça, bon, c'est non. Il y a des beaux ovnis quand même. Ouais, mais ça, de toute manière, c'est vrai que si on commence à parler de ce film-là, dans ce cas-là, on va passer directement si on peut faire la 11 à la place de la 3. C'est. La dis pas. Bah ouais, mais dans ce cas-là, c'est après. Si on commence à parler d'X-Files, dans ce cas-là, autant en parler carrément du feuilleton que tu m'as dit tout à l'heure. Donc on regroupe les feuilletons alors si tu veux. Bah, dans ce cas-là, on n'a qu'à prendre aussi le feuilleton V. Ouais. C'est pareil, hein. Ouais. C'est pareil, c'est comme X-Files, hein, dans ce cas-là. Tu crois que Big Bill il pourrait jouer dans un épisode de X-Files? Ah ça, je sais pas. Hein, je pense qu'il a le gabarit, franchement. Ouais, on sait pas. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, je vais faire un petit sondage là, quand même. Alors pour vous, qu'est-ce qu'un extraterrestre? Alors 71% des gens ont dit que c'était des personnes qui ne parlent pas bien le français. C'est bien ça. 48% n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas répondu parce que c'était trop perso, ben ça c'est souvent que ça, qu'on dit ça. Et 23% ont dit que c'était des mecs qui se font faire les fesses avant de faire des débats. C'est bien ça, c'est super. Pourquoi t'aimes bien? Comme sondage de NASA. Alors, est-ce qu'un extraterrestre est un métier fiable? Oh là, décidément. 88% des gens ont répondu que les gros PSAPU, alors ça c'est pour Fildar quand il est au standard, hein. Ouais. 56% des gens pensent que le problème c'est les 35 heures dans l'espace, ça n'a rien à voir avec le débat sur les extraterrestres. Ah si, mais bon, la question c'est est-ce que être extraterrestre est un métier fiable? Donc si c'est un métier, à savoir déjà, est-ce qu'être extraterrestre c'est un métier et est-ce qu'il est fiable? Et donc étant donné qu'il y a les 35 heures, il y a peut-être les 35 heures dans l'espace. Et les 35 heures en euros, en plus. Exact. Et 11% trouvent que je dois avoir trop chaud sous mon costume alors que je porte pas de costume pour l'instant. Ouais. Non, mais par contre, t'as trop chaud. Non, j'ai pas trop chaud. Dans le costume d'extraterrestre. C'est ça. Seriez-vous prêt à inviter un ovni à votre table? On va demander à Télescrotte. Je sais pas, ça paraît difficile. Hein. Moi, je sais pas ce que ça mange, un ovni, donc c'est... Ben... C'est pas trop, hein. Ça va des verres, hein. Ça mange un peu de tout, hein. C'est sûr, comme nous, en fait. Je sais pas, moi. Hein, c'est multivore. Bah, t'as préparé ou pas, Gigi? Faudrait demander ça à Jean-Pierre Sauzard quand on l'aura tout à l'heure avec nous, hein. Ouais. Il vous dira ce qu'il mange, hein. Je sais qu'à mon avis, ça mange pas grand-chose, hein. C'est sûr, moi, je suis sûr que ça a de l'appétit, hein. Bah, un ovni, c'est un truc qui vole, hein, à mon avis. Ça a le droit de bouffer, un oiseau, ça vole et ça bouffe. Alors, ouais, un oiseau, c'est pas pareil. Un oiseau, ça mange... C'est quoi la différence? Un oiseau, ça mange un peu tout ce qu'il trouve. Ça mange du pain, ça mange du riz, ça mange dans les des feuilles d'arbres, ça mange de tout, ça va dans les jardins, ça picore sur les plantes et tout. Justement, sur l'IRC, il y a énormément de gens qui me demandent comment font les extraterrestres pour trouver quelque chose à manger dans le vide interstellaire. Dans l'espace. Dans le vide, le truc noir avec des trucs qui brillent. Dans les étoiles, c'est ça. Dans les étoiles, dans les étoiles, je sais pas moi comment ils peuvent faire pour manger, moi. Ils ont rien à manger, hein. Ils ont rien. Les étoiles, peut-être. Je pense, hein, ils doivent se manger entre eux. Petite orbite. Oui, écoute, moi, je suis ouverte à toute expérience, donc quitte à inviter un extraterrestre à ma table. Pourquoi pas deux? Pourquoi pas deux ou trois? Pourquoi pas deux, oui. D'accord. Suceuse? Ouais, moi aussi, je suis assez ouverte à ça, quoi. Donc, on peut très bien manger tous ensemble et puis finir en gangbang, hein. Voilà, qui c'est qui a un téléphone pourri, là? Quoi? Qui c'est qui a un téléphone pourri qui s'amuse avec? La personne, je crois, mais c'est quoi, ça a pensé? Non, parce qu'il y en a qui s'amusent avec leur téléphone, là, c'est pas tellement bon, hein. Monsieur Mazur. Oui, monsieur Gérard, je vous écoute. Ben, répondez à la question. Bah, écoutez, moi j'ai trouvé le parallèle que vous avez effectué tout à l'heure entre les 35 heures et les ovnis assez intéressant. Et d'ailleurs, je pense au niveau de la nourriture des ovnis, si vous voulez, que oui, les ovnis peuvent se nourrir au moyen de tickets restaurants. Mais des tickets restaurants, bien entendu, il y en a moins, vu que nous sommes passés aux 35 heures. Non, mais je vois pas le rapport avec le débat sur les ovnis. Il y en a un, monsieur Gérard. Merci de votre remarque tout à fait pertinente. Mais pourtant, il y en a un, voyez-vous. Si vous donnez, vous ne pouvez actuellement pas donner le même nombre de tickets restaurants à un ovni que vous pouviez le faire il y a de cela encore 4 ouais. mois. Ouais, mais... Donc l'ovni peut moins se nourrir. Est-ce que vous suivez mon raisonnement? Ouais, mais un ovni peut pas avoir de tickets de restaurant. Ah mais absolument. Mais comment tu vas faire pour aller dans un magasin ou ailleurs? Mais monsieur Gérard, figurez-vous, il y a des space restos dans l'espace. Quoi? Ils sont connus. Des space c'est quoi restos. Ça? C'est quoi ça? Pardon? C'est des restaurants? Eh bien oui, ce sont des endroits où vous sustentez. Uh-huh. De manière complètement ripailleuse, si j'ose m'exprimer ainsi, n'est-ce pas? Et puis ensuite, vous avez tout loisir de vomir dans le vide intersidéral. Enfin, vous connaissez la question, bien entendu. D'accord, ok, on a compris. C'est des bars, des space bars hein? Ah oui, absolument. Vous pouvez également, par la suite, vous faire une space pute. Ouais, bah, je crois que... Non, mais je crois qu'on va pas s'amuser à dire des gros mots, parce qu'il y a quand même... Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Une space pute mystère. Oui, d'accord, on a compris. Je viens de dire qu'on se calme avec les mots. Ah, on se calme tout à fait. Bon. Quatrième. La quatrième question. Attends, t'es déjà la quatrième et t'envoies moi. Ça trace. Là, on finit à 45. Hein. Bah, dans 10 minutes, t'es barré. Hein. T'es dans, bah t'es... alors, dans 10 minutes, t'es quitte ton slip. Hein. Allez, hop. Alors, t'as qu'à envoyer une zic là maintenant. Mutiodale. Vas-y. Non, mais attends, il y a des questions, IRC. T'as envie de te barrer ou quoi? Ah, ouais, il y en a plein. Bah alors, donne. Il y a Checkmate qui dit qu'il vient d'avoir une plainte du relais Carnot qui dit qu'un couple d'extraterrestres ont débarqué il y a plusieurs mois et qu'un d'eux avait fait des exploitations suranales sur le directeur. Oh. N'importe quoi, après. Bah, il y a Lorenzo qui aimerait bien savoir, j'espère que c'est le vrai Lorenzo si tu nous écoutes. Il voulait savoir si les E.T. ont plusieurs sexes. Bah ça, on en parlera tout à l'heure à la fin du débat. Il y a une question qui est prévue pour ça. Mm-hmm. Pour la suite. Dans quelques instants. Ah bah s'il y en a plus, bah on va. Qu'est-ce que t'en penses toi pour la nourriture des extraterrestres? Bah personnellement, la nourriture, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme un oiseau, ils se nourrissent comme ils peuvent. Hein. Un ovni, de toute manière, je vois pas du tout le rapport avec les tickets de restaurant, comme monsieur Masson me disait, parce que je vois pas comment qu'un ovni peut se nourrir avec un ticket de restaurant. Hein. Ah ben il peut, hein, finalement, monsieur Gérard. Ben ouais, mais moi je voudrais bien ça. L'entreprise le lui accorde tous les mois, ouais. Il y a un certain nombre de tickets restaurants, ouais. Et il va dans les space restos. D'accord, ok, ouais, mais c'est bon. Là, on peut dire en space dégueulis. Ouais, ben c'est bien, on a dit pas de gros mots, parce qu'il y a quand même des jeunes qui nous écoutent. Avec vous. Absolument. Gérard, justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, mais en hiver, comment ils font pour se nourrir s'ils font comme les oiseaux, parce qu'il n'y a plus rien sur les arbres? Ah ouais, mais ils émigrent. Non, ils migrent. Non, ils font des migrations. Mais où? Ils vont dans d'autres pays. Ils vont dans des pays plus chauds. Mm-hmm. Ouais. Ils vont dans des pays chauds, après. Et après, ils reviennent au printemps, c'est-à-dire là, dans peu de temps, ils vont pas tarder de revenir. Et les ovnis? Bah, tous. Les oiseaux par les ovnis, ou quoi là? T'as fumé ou quoi? Ouais, j'ai fumé la moquette. Ah, okay. Oh, l'opium, hein, c'est plus ce que c'était. Le space cake. Ouais, le space cake. Le space cake. Le space cake. Speaking English? Yes. Okay. Yes. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, le sondage, on l'a fait. Est-ce que... Je ne prends pas l'antenne tout ça. Mais si, on vous vous êtes à l'antenne. Arrêtez de dire des conneries. GG, c'est des scrotes. Tu parles de la nourriture, mais on peut revenir aussi sur la boisson, je pense, pour les ovnis. Mais qu'est-ce qu'ils boivent? Tiens, justement, alors. Ah non, monsieur Mazur, il nous a pas dit ce qu'il buvait, donc on va demander. Bah tiens, vas-y, t'es des scrotes alors. Bah non, mais je sais pas, je te pose la question. À mon avis, moi, je sais pas ce qu'il dit. Les ovnis se prennent des murs, je voudrais savoir avec quoi, tu vois. Est-ce que ça tisse du carré de vigne ou de la villageoise, ou tu vois, enfin... À mon avis, je pense que ça doit boire, je sais pas quoi, hein, ça doit boire que de la flotte, hein, c'est tout. Hein. T'es sûr de ça? De l'océan, peut-être. Ouais, peut-être aussi, hein, on sait pas. Hein. Ouais. Ah bah, apparemment, il y a Yankee sur IRC, ils me disent que les extraterrestres, ils se réunissent pour manger à l'hôtel Royal de Nanterre. Je sais pas. Ouais, qu'ils arrêtent avec ça, parce que ça commence à me gonfler sérieusement. C'est comment le chemin à partir du moderne? C'est, je t'expliquerai. Oh, oui. C'est du, tu vois, du côté de Cergy Pontoise, tu vois, tu prends pas là et t'arrives directement sur l'hôtel moderne. Ah non, c'est pas là du tout. Bah non. C'est là. Non, non. C'est là maintenant. Donc, dans quel c'est pas l'hôpital pour les. Non. Mais il y a un plan de toute façon sur le net. Ah, ok. Non. Et du relais Carnot, on fait comment pour y aller aussi? Du relais Carnot, tu passes par. Par le souterrain magique. Tu passes par le pont de. Par le pont de. Tu passes par le pont de. Parle pas du pylône, tu passes par le pont là, de je sais pas où, et puis t'arrives dans le bois de Boulogne, tu t'arrêtes et tu vois, il y en a pas mal qui. Voilà. Alors, dans quel endroit pensez-vous que des ovnis ou des extraterrestres peuvent-ils être acceptés? On va s'écouter. Ah. On peut avoir le disque. Ah, pardon, excuse-moi. Et on se retrouve juste après. On va s'écouter Pierre-Paul Jean avec Je sais pas jouir et j'en vois pas la purée. Et malheureusement, c'est pas ça, c'est ce que tu viens pour les vacances. Salut l'équipe du Star System, ici c'est Angelo. Bon, je vois un message pour Gérard. J'aimerais qu'il m'explique comment fonctionne sa chaîne Wi-Fi, parce que pendant qu'il anime ses débats à la con, on est en train de se bourrer sur Sandy, de pisser, de lui chier la gueule. On aimerait bien le faire en musique en écoutant sa voix de pédé à la radio. Voilà, puis en plus elle aime ça ta cochonne, Gérard. Hein. Alors tu libères la ligne, s'il te plaît, pendant que tu fais tes débats, et tu nous laisses bourrer ta femme. Allez, grosse bise sur la fesse droite, c'était Angelo. Ciao. C'est bien. C'est pas mal ton histoire de répondeur, Manu. Hein, bravo ça. Hein, Manu. C'est pas cette histoire de répondeur. Je sais pas. Non, tu sais pas. C'est le répondeur qui date de Neuilly. Donc, pour revenir sur ce que vous venez d'écouter, donc c'était pas Pierre-Paul Jean comme j'avais annoncé, mais c'était David et Jonathan. Est-ce que tu viens pour Jonathan? Est-ce que tu viens pour les vacances? Voilà. Ça, c'est un bon titre, hein, celui que tu qu'on aurait dû passer normalement. Bah ouais, mais tu connais, c'est Je sais pas jouir. Ou je sais pas envoyer la purée. Bon, bah toi t'arrêtes de parler de purée, parce que tout à l'heure je vais t'envoyer une purée quelque part. Ouais. Alors, à la place de Télésprot, on appelle, on accueille Jean-Pierre Sauzère. Bonsoir. Bonsoir, Gérard, ainsi à ta frangine, voilà. À ma frangine, tu restes poli avec ma frangine quand même, s'il te plaît. C'est la sœur de Jean-Pierre. Faut pas se mettre à colère comme ça. Non, mais je sais. Donc 101.9 Paris, c'est ça, hein, non, t'es pas sur Paris, toi? Non. C'est quoi la fréquence où t'es? Bah, je ne sais pas, c'est 102. T'es où? En Seine-Maritime. Eh ben, Seine-Maritime, c'est quoi la fréquence de la Seine-Maritime? Hein? La fréquence de la Seine-Maritime? Je sais pas, appelle le 12. Oh là là là, c'est pas vrai d'avoir un câble au standard. Bon, en tout cas, fréquence maintenant. Petite orbite. Oui. T'es toujours là, rebonsoir. Suceuse, toujours là. Monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Monsieur Mazur, je vous préviens, vous restez poli, sinon je vais être obligé de sanctionner, d'accord? Ah, je suis complètement d'accord avec vous. Ben, donc... sanctionner tout ce que vous voulez, Monsieur Gérard. Oui, non, mais je pense que vous allez être sanctionner dans les plus brefs délais. D'accord, Monsieur Gérard, c'est bien noté. D'accord, alors... alors, au revoir, comme ça, ce mot-là, quoi? Tu vois... Non, tu... Il a dit quoi? Je crois que j'ai mal compris. Oui, moi aussi, alors dans ces cas-là, tu lui dis au revoir à Monsieur Mazur, et on prend... Attendez, mais que se passe-t-il? Pourquoi? Au revoir! Mais pourquoi, Monsieur Gérard? Écoutez, je ne sais pas... Au revoir! Vous souhaitez que je parte? Franchement... Fijard, une fois! Quoi? Alors, tu vires Monsieur Mazur! On s'entend... Deux! Mais pour un peu, je vous autoriserai à me lécher pour ce ranal, monsieur. Allez oh mais je veux bien, tu sais qui. Ah non, mais merde, on peut rien. Vas-y, assieds-toi, je te mets un pouce. Mais il voulait être léché pour ce ranal. Ouais, mais bah tu le sacs. Ça peut être sympa. Tu reprends quelqu'un d'autre. Ouais, c'est bon. Alors, question. Dans quel endroit pensez-vous que des ovnis ou extraterrestres peuvent-ils être acceptés, Jean-Pierre? Dans ton cul. Ta gueule. Je sens qu'il y en a qui m'ont dégagé, je le sens vite fait. Jean-Pierre Sauzère, oui, s'il te plaît. Je vais dire quelque chose, moi. Les extraterrestres, ils peuvent être acceptés partout. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Ils peuvent être allés partout. Ils sont plus évolués que nous. Mm-hmm. Ils sont en train d'écouter ton émission, m'écouter. Moi, je leur souhaite toutes mes amitiés, d'ailleurs, j'en connais. Des gonzesses et tout, que j'ai parlé avec eux et que... Non, mais c'est... Ouais, d'accord, Jean-Pierre, mais... Moi, je vais te... Ok. Non mais Jean-Pierre, on a compris, donc tu réponds correctement, là, tu réponds aux questions, tu dis on passe plus de bonjour à cette heure-ci, fallait le faire avant. Gérard. D'accord, Jean-Pierre. Ouais, vas-y, raconte ton histoire. Non, bah vas-y, tu réponds à la question. Bah attends, il y a une question IRC, tu réponds à la question, bah, Jean-Pierre. Je t'ai posé la question, je t'ai répondu à ta question parce que Siri peut être partout. D'accord. Voilà. Donc sur IRC, il y a Davy One, il voulait savoir si les extraterrestres, comme les humains, regardent des émissions télé avec leur la gaffe à eux et un extraterrestre qui serait déguisé en humain. Je ne sais pas, je ne pense pas, non. Je ne crois pas que ça puisse exister, cette histoire. Bah pourquoi pas Pourquoi pas. Donc, suceuse maintenant. Oui. Gérard, avant que suceuse réponde, avant que suceuse de Raval, on va accueillir Captain Pouce. Il a 20 ans, il est de Guignon. La fréquence, c'est. Tu la veux? Oui. C'est 92.3. Bonsoir à toi, capitaine. Capitaine Pouce, bonsoir à toi, Gérard. Bonsoir, je te fous un petit pouce. Tu commences pas, parce que sinon tu vas retourner voir si j'y suis sur ton bateau, d'accord? Ok, la vanne, ok. Ok. Bon. Pas de problème. Eh ben tiens, comme ça tu vas répondre à la question. Mais non, c'était suceuse. Non, je dois pas le savoir, moi. Non, elle a avalé, c'est bon, vas-y. Non, mais il va répondre à la question. Mais j'ai pas entendu, Gérard. Alors, dans quel endroit pensez-vous que les ovnis ou extraterrestres peuvent-ils être acceptés? Acceptés, moi, je pense que déjà sur notre planète. Manu, s'il te plaît, tu arrêtes de jouer avec des conneries comme ça, parce que ça commence à bien faire. D'accord. Ouais, donc je disais, attends, un petit coup, je me débouche. Ouais, bah, tu vas te déboucher. Vite fait les oreilles, ce que je pense. Parce que tout à l'heure, tu as retourné voir Fildar au standard. Ok, donc ouais, je pense que sur la planète, il n'y aurait pas de problème. S'ils sont pas hostiles, c'est nickel, quoi. Ouais. Bah, c'est ta réponse? Bah ouais, ouais. T'as peut-être pas compris tout ce que j'ai dit, mais... Je sais pas. D'accord. Suceuse. Oui, je sais. Bah, je pense qu'ils peuvent être acceptés partout, sauf en boîte de nuit s'ils ont des baskets, quoi. Ça dépend, parce qu'à la loco, tu peux être accepté en basket et tu rentres. Hein. Oh, ça dépend, la tronche, quoi. Ça dépend. Hein, je suis désolé, t'en as qui rentrent en basket à la loco. Hein. Ouais, mais c'est parce qu'il y a des soirées basket, ouais. Ah non, il n'y a jamais eu de soirée basket là-bas. Petite arbitre. Oui, mais en fait, j'allais dire la même chose. Hein. J'étais persuadée aussi que si ils s'habillent correctement, hein, d'une façon tout à fait potable, ils rentrent partout. Hein. Oui, mais moi je pense pas, ça m'étonnerait que les extraterrestres ou les ovnis puissent mettre des affaires alors qu'ils sont dans le ciel. Hein. Regarde, le mec de Big Bill, il se dit en extraterrestre. Ouais. Extraterrestre, comme danger, il peut très bien se mettre une peau d'humain et faire genre. Et tu crois que celui qui joue dans B ou dans IT, c'est un être humain? IT Non, moi je pense vraiment que c'était des extraterrestres, mais n'empêche qu'ils ont fait semblant d'être des humains. Donc, tu vois, à mon avis, s'ils s'habillent bien, s'ils font semblant d'être des humains, ils peuvent rentrer n'importe où. Hein. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-Pierre Sauzère, Moi, je dirais, de toute manière, d'une autre, que... On va arrêter de déconner là-dessus. Ça m'intéresse. Oh là là. Tu m'écoutes? Ouais, je t'écoute. On les croit dans la rue, partout, sauf qu'on nous les reconnaît pas. Y'a que moi qui les reconnais parce que je sais quelque chose, voilà. Et je veux dire, quand tu fais des émissions comme ça, si le sujet les intéresse ou quoi, n'importe quoi, tu fais des bonnes émissions, on saute de ta gueule et on te... Et ça... Oh Bizarre, c'est quoi ce bordel? C'est pas moi, là. Qui se fout de ta gueule, c'est... C'est quoi ce bordel? C'est pas moi, il n'y a pas rien. Je dois pas savoir. Petite orbite. Ah, là, raccroché. Ah, bah, c'est elle qui est partie. Sympa. Eh, voilà. Faudra peut-être te réveiller avant, suceuse, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là. Dans mon... Capitaine Pouce, au revoir, allez hop. C'est pas moi, Si, allez hop, dégage, hop. Au revoir, allez, du vent. Hop, au revoir pour celui-là, il va voir si... Il y a plus personne, là, tu me casses les couilles, hein. Eh, tu restes poli, parce que tout à l'heure, je vais t'en claquer une, toi, là-bas. Ah. Alors, tu te débrouilles, tu recherches des personnes. Donc, tu disais quoi, Jean-Pierre Sauzère? Avec oui, les extraterrestres, tu les crois dans la rue. Ils sont comme humains, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, c'est et après. Pour ça qu'on dit qu'on. Personne n'a jamais vu des extraterrestres, mais si. T'en as déjà vu, toi? Bah, bien sûr. Bah, quand? Bah, de la vie de tous les jours, j'en vois, j'en connais. En fait, d'ailleurs. Ta boulangère, ça peut être une extraterrestre, quoi. C'est ça que tu dis. Pourtant, en parlant de boulangère extraterrestre, bah, ça a démarré comme ça. J'étais dans une boulangerie, c'était là-bas, je peux pas dire le nom, c'était dans l'heure. Ouais. Et rassure-toi que la nana était extraterrestre. Et comment tu l'as su, toi? T'as ton boucher, alors, c'est un ovni. Oh, putain. Non, mais je dis rien, j'arrête là-dessus. Ça, c'est de la réflexion. Bah,

Tu lui dis au revoir. Au revoir. Il n'y a pas de deux secondes. Au revoir. Mais dis-le pour de bon. Au revoir, il s'est terminé. Au revoir. Il est parti, on n'en entend plus parler. Gérard, je voulais en fait, par rapport à la question que tu posais en fait tout à l'heure, il y avait un truc que je me posais en fait, vraiment. C'est, il y a un moment où tu y crois ou pas, toi ? À quoi ? À la possibilité qu'il y ait des extraterrestres en basket. Non, personnellement, c'est bon, non. C'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait ou pas ? Bon, ok. Non, à mon avis, non, ça, j'y crois pas du tout. Et pourquoi ? Je te dis que j'y crois pas et ça peut pas être possible qu'il y en a qui soient en basket, c'est pas quoi. Attends, il y a bien des aliens en tong, hein, laisse tomber. Toi, Armstrong, tu redis encore une connerie comme ça. Mais attends, je voudrais dire quand même qu'Armstrong, c'est le petit, c'est le petit-fils du mec qui a marché sur la Lune. Ouais, mais s'il s'amuse. S'il s'amuse. Il y a d'autres qui sont le petit-fils de celui qui a marché dans la merde. Bon, alors dans ce cas-là, tu vas retourner au standard et on va te dire bonne nuit, tu peux aller te coucher. Au revoir, Armstrong. Allez, au revoir. Comme ça, tu me retrouves de nouveaux auditeurs, s'il te plaît. Et d'art. Sur IRC, ça baisse un peu, malheureusement. Oh, merde. On est toujours au-dessus de 5000, mais j'oserais pas dire combien on est. Et il y a juste Cusard 2000, il voulait savoir si ta Chewbacca allait participer au débat. Ma Chewbacca ne participera pas au débat, comme ça, on ne l'emmerdera pas. Voilà, donc, il nous reste... On va continuer. Alors, de quoi se nourrissent les ovnis et les extraterrestres, Jean-Pierre Sauzère, comme tu t'y connais bien là-dedans. Jean-Pierre. Oui. Oh, oh. Ah mais je t'écoute, je t'entends. Là tu réponds à la question, je viens de la poser. Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'il bouffe ? Qu'est-ce qu'il mange ? Tout à l'heure de ce truc-là. Bah ouais, mais ce qu'on. Mange. Ouais, mais attends. Bah, ouais. Comme nous. Il y a de la redite hein, quand même là, je trouve. Bah ouais, tu l'as déjà posé ta question. Bah, attends, genre, tu me dis que c'est bon, tu as t'avais qu'à me le dire tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie ? Qu'est-ce que tu veux, ma poule ? Bon alors, quelle est la. Je dirais, moi je compte. Non mais ce que je veux dire, au niveau des baskets. Ouais, qu'est-ce que tu as encore Gérard, non mais qu'est-ce que tu as me gonfler encore avec les baskets là, Gérard, je voulais savoir si dans l'espace il y en avait. Bon bah ça, on en a rien à foutre des baskets dans l'espace, hein, c'est pas des terrains de basket. Des terrains de basket ou des baskets? Je me demandais. Gérard, j'entends plus. Non Gérard, il y a un problème de micro, je sais pas ce qu'il fout. Bon bref, à la place de Salvatore, on accueille Pousse-Mousse, 17 ans de d'Evry, à côté de Paris. Hey, tu peux pas prendre aussi des mecs de 15 ans si pour faire le débat. Je suis sûr qu'il peut. Hein, à fond dedans, tu pousses et ça mousse. Ouais, c'est cool, mais t'inquiète, hein, j'ai le droit de me coucher tard, c'est tranquille. Ouais, il est en vacances. Et on a aussi Incontinence Day à la place de Armstrong. Lui, il est de Nantes. Tout à fait. Nantes, 107.3. Bonsoir. Voilà. Gérard n'a toujours pas de micro. Donc la question changer. C'était quoi? Bon Manu. Gérard. Je parle comment? J'ai pas de micro. Tiens mais c'est quoi en le plus, bordel plein, là? J'ai plein de bonnes questions là. Réveille-le, il fait rien là. Débat de merde. Eh mais c'est quoi là? C'est bon ça va. Je suis prêt à pas faire ça avant, dégage déjà. Dégage. Bon ça veut dire quoi là? J'en ai marre de bosser comme ça moi. Ouais mais c'est quoi? Pas capable. T'es nul là. Eh ben, dans ces cas-là, si on arrête, on arrête, on fait plus rien. Il y a plus d'audience, ça baisse encore. Ah, hein. Bah, vas-y, bois un coup, ça aide. Bosse un peu là. Bon, Jean-Pierre Sauzère, tu travailles à la question. Quelle est la durée de l'ombre de l'espace? Ouais, Jean-Pierre Sauzère, allez, bonne nuit, comme ça tu arrêteras de me persuader. Allez hop, au revoir. Qu'est-ce qu'il bouffe? Allez hop, celui-là c'est pareil. La question c'est bien parce qu'on me demande sur Minitel, c'est qu'est-ce qu'ils mangent les extraterrestres? Non, celui-là on l'a fait plus. Ah pardon. Alors quelle est la durée de longévité d'un ovni ou d'un extraterrestre? On va demander à Suceuse. De longitude. Longévité. C'est quoi la longévité? Bah c'est la longitude si tu veux, pareil. Ah, mais c'est moi je sais pas, par contre je sais pas ni l'un ni l'autre. Moi, moi non plus. Bah tu demandes un truc, tu sais pas ce que c'est quoi tes questions? Bah c'est une question mais j'ai pas pu trouver tout de suite ce que c'était. Ah, donc tu dis des mots. Donc et... c'est à mon avis c'est combien de temps que ça peut durer? Ça peut durer quoi, un signe sur les extraterrestres? Non, il y a un homme. Oh là là. Enfin, attends, tu fais des réglages. Bah ouais, il faut. Putain, mais c'est pas possible, ça, c'est quoi ce micro? Oh là là là! Oh! C'est fondu avec la laine. C'est quoi là ce micro? Ça, c'est n'importe quoi. Hein. Pourtant, c'est du fil en titane, hein. On a tout fait. À mon avis, c'est plus les postillons, je pense. Ouais, non, mais attends, Mais c'est quoi ce débat là qu'on fait puis qu'il n'y a même pas de micro qui fonctionne correctement ça. Mardi c'était mieux que ça, ça fonctionnait mieux. C'est clair. Non, ce qu'il faut que tu fasses, c'est une note à la technique. C'est pénible. Hein. C'est tout. Tu fais une note à la technique et puis au moins on aura du bon matos quoi. Ah ouais, tu peux au moins répéter ta question maintenant que. C'est clair. Et la question, c'est quelle est la durée de longévité dans d'un ovni ou d'un extraterrestre, c'est-à-dire combien de temps qu'ils vivent exactement. Alors, suceuse. Oui, Gégé. Eh ben, mais je comprends pas, parce que pour toi, les ovnis, c'est les maris des extraterrestres. Ben, moi, je pense, oui. Ah, d'accord, donc les ovnis, c'est les femelles, et les extraterrestres, c'est les mâles. Ouais, voilà. Le mieux, c'est de voler dans un sac à main. Ouais, c'est quoi? Sûr, mais... Quoi? On vole dans un sac à main? Non, cherche pas, c'est des connards qui s'amusent à ça, alors ça commence à m'énerver encore cette histoire. Non, c'est pas moi, je suis en train de poser des questions. Ok. Ouais. Bon, inconscient, suceuse, pardon. Je disais, ouais, moi j'ai lu dans un bouquin sur Einstein, qu'en fait, la durée de vie des extraterrestres était proportionnelle à celle des terriens multipliée par 6,5. D'accord, alors là, pour faire la conversion. Hein. Ouais, je veux en euros. Ouais, bah écoute, moi je pense qu'à partir de, je sais pas, 20 cm, t'as une bonne longévité de chibro quand même. ça commence à être correct. C'est pas mal. C'est un minimum quand même. Un gros chibro, ma soeur. Ouais, histoire de faire du bon travail. D'accord, pousse-mousse. Ouais, je pense qu'un extraterrestre, ça dépend. Enfin, un ovni, ça dépend de sa race. Mais ça peut-être durer 100 ans. Non, mais je te demande, l'ovni, alors, il vit pas alors. Bah, si, une centaine d'années. Bah alors, c'est ce que je te demande. Bah, c'est ce que je t'ai répondu. Ah bon voilà. On a personne à la place de Jean-Pierre Sauzère? Si, si. Bah alors, on a peut-être te réveiller là. C'est vrai. Oh. Il diffère un peu, lui. Alors, mec, Attends, moi, on m'a dit ici, tu viens bosser avec Gérard, c'est la planque. Hein. Le seul problème, il a plus dedans. Le seul problème, c'est qu'il pue du cul, mais à part ça, t'es bien payé. Toi aussi, tu pues du cul, alors. Vas-y, on va. À la place de Jean-Pierre Sauzère, qui est parti, on accueille Sankouikai. Quoi? Sankouikai. T'es d'où, Sankouikai? Alors, bonjour. J'appelle de Grenoble, bonsoir. T'as la fréquence Grenoble. Sankouikai, c'est à la bataille. La fréquence de Grenoble, au lieu de dire des conneries. 104.8. Quoi? 104.8. Oh là là, qu'est-ce que c'est encore celui-là qu'on a récupéré? Je viens simplement de la vie. Ouais. Tu passes le bonjour à Ayato. Ouais, ben, pousse-moi, c'est. T'arrêtes de dire de. J'ai rien dit, moi, Jean. Un continent, alors ça doit être que toi. Oui, bonsoir. Ouais, ben alors t'arrêtes de t'amuser à faire passer des bonjours, sinon tu retournes chez toi. Oui. Rigaud. Donc, ça remonte un petit peu, mais seulement un petit peu, malheureusement. On est à 6023. Oh là là, c'est un peu la merde, comme tu dis. Et il y a une question très intéressante de Chacal sur l'IRCFMradio.fr qui demande si l'homosexualité existe chez les extraterrestres. Si oui, comment se déroule une sodomie extraterrestre? Eh bien, justement, cette question-là, je ne vais pas y répondre tout de suite parce que c'est une question qu'on va poser à la fin. Mais Rigaud, tu comprends pas le principe du débat. Il y a des fuites sur Internet. Ça fait combien de temps qu'on fait ça? Merde, c'est pas Internet. La merde, on y est. C'est pas dans la pièce. Ah mais merde, je suis sur des cours d'internet, c'est une bande à Manu. Les deux navets là. Tous les vendredis soirs. Oh les deux navets, la laitue là, tu t'écrases. Attends, excuse-moi, je parle. Oh, tu t'écrases. Vas-y, reste tranquille. Tu t'écrases de laitue. Tais-toi. Tais-toi toi-même la laitue. Il y a des questions? Ouais, bah c'est très... Bah écoute, c'est quoi, on se fait... Tu préfères quoi pour bouffer le soir? Parce que moi, Chili. Chili? Mais va t'asseoir. Tu t'écrases. Va t'asseoir. C'est moi qui commande, le jeudi. Va t'asseoir, c'est mon débat. Tu t'écrases. Prochaine question, donc. Ok, d'accord, vas-y. Tu t'écrases. Vas-y, je pars à ta place. Ok. Vas-y. Bon. Allô. Alors, sans couille, Kai, la question, tu l'as entendu? Ah non, t'as pas entendu. Alors, quelle est la durée de longue vie d'un ovni ou d'un extraterrestre, c'est-à-dire la longue vie? Oh, celui qui se marre comme un bouc, il arrête ou sinon il dégage. Oui, c'est vraiment pénible, hein. Et celui qui met de la musique, arrête derrière, ça m'énerve. Ah, c'est clair. Monsieur Gérard, tu peux poser question, j'ai pas tout que ça à foutre, hein. Alors, c'est moi qui commande le jeudi, donc si t'es pas... Attends, moi je fais karaté aussi, hein. Ouais, bah pour l'instant, tu vas perdre. Karaté, Oui. Tu te calmes, s'il te plaît. Je me calme. Bon, la question, c'est quelle est la durée de longévité d'un ovni ou d'un extraterrestre? Je dirais à peu près... Bon, laissez-moi réfléchir, parce qu'en général, on compare ça à la durée de longévité d'un sushi. Oh, ça doit faire environ... de 3 heures, pas plus. Bon, alors, je préviens d'une chose au standard. Le standard, s'il vous plaît, vous mettez les... Tu mets les auditeurs en air, s'il te plaît, Vanille. Alors, je préviens... Oh. On est en air. Non, mais tu me les coupes pas. Je préviens... Fildar, s'il j'ai te plaît. J'ai une petite paire de ciseaux, Manu, si tu veux. Je vais prendre un petit cutter. J'ai un masque à gaz, moi. Bon, vous arrêtez là, vous laissez voir. T'en auras deux jours. Bah, Fildar, ouais, un conseil que je te donne, c'est la dernière fois que je demande que la musique soit arrêtée ou sinon j'arrête le débat. Ok? C'est grand, t'es beau. Bon, alors, sans couille caille. Mets-lui. Eh bien, écoute, Gérard, moi, j'ai suivi quelques études d'astrophysique avec un professeur du Japon qui s'appelle M. Sushi Sashi. Uh-huh. Et M. Sushi Sashi a fait des études très poussées sur la longévité d'un ovni. Uh-huh. Et environ. Oh. Ah oui, au moins. Mais pas plus. En revanche, pas plus qu'environ de ce que je viens de dire. Bon, qui s'amuse à mettre de la musique? C'est très bien, c'est l'hymne national de mon pays. Bon, alors on va... Alors, un ovni ou extraterrestre, peuvent-ils stationner... Quoi, mais je suis là, cette musique là! Mon nom est Sidéron. Oui, non, ça commence à me gonfler! Voilà, sans couille! Voilà, sans couille là, tu t'écrases! Mon nom est Sidéron. Sans couille caille, tu t'écrases! Ah, oui, je t'écrase dans ton cul! Bon, alors tu dégages, au revoir! Allez hop! Bonne nuit pour lui! Sans couille caille, tu dégages, ça va t'apprendre! Allez hop! Au revoir, bonne nuit, bonne nuit! Bonne nuit! Bonne nuit! Et voilà, et on va. Je pose la question, un ovni ou un extraterrestre peut-il stationner partout où on se retrouve tout de suite après? Oh, j'ai pas de disque, hein. On se retrouve tout de suite après. Et on s'écoupe des secoupes vibrantes avec. Prenez des piges, j'en ai pas encore eu dedans. Le temps boulot, j'ai pas de disque. Et on se retrouve après. Il y a pas de disque encore. Il y a rien. Calmement. Fildar, tu me reprends l'aria derrière. Tu veux que je te reprenne à l'aria, là? Tu reprends l'aria, juste après. Je vais te baisser une taxi dans le coin du museau, toi. Bon, ça y est. Ah non, j'ai rien. Oh là là, t'as plus. Je sais pas, chante. J'ai rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a sur... Chante un truc que tu connais. Ah, ils veulent que tu chantes. Ouais, vas-y, chante. Non. Quand même. Alors, Y'a rien. Vas-y, mais non, mais vous vous maniez un peu, là. Je vais voir ta voix de pédale, là. Vas-y, chante. Y'a rien. Tu me verras pousse-mousse pour... C'est pas moi, Gérard. Tu verras un continent au hasard. Ah non, c'est pas moi. Si, c'est toi qui viens de le dire. Y'a pas moyen. C'est toi qui viens de le dire. Y'a pas moyen. Tu dégages. Je te dis qu'il y a pas moyen. Tu dégageras, on prendra quelqu'un d'autre à ta place. On prendra quelqu'un d'autre à ta place. Non, tu trouves un disque. C'est tranquille, toi, moi, je te le dis, hein. Bon, tu me mets ce qui est prévu normalement, hein, Fildar, c'est chiant. Je te mets. On va tous te mettre, de toute façon, comme ouais, ben toi. Bonjour, l'homo de la pro. C'est ça, l'homo de la pro, c'est ça, c'est bien. Allez, on se retrouve tout de suite après. Et voilà, vous me dites. Ah putain, mais c'est quoi cette merde là? Ah, je sais pas. Oh là là. Oh mais c'est quoi ce bordel? Oh là là. Ah là là, mais c'est quoi ce. Je sais pas. Oh là là. Qu'est-ce que c'est ce bordel ce soir? C'est parce que les prises elles marchent plus, on est obligé de passer par des rallonges, Gérard. Donc vous voulez vous écouter Pierre-Paul Jean avec. Mais non, c'est l'autre fiche. Les secoupes vibrantes. Olivier, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce boulot de merde? Ah, ça c'est la prod à balle. J'ai encore une heure à pire, c'est le bordel, le micro est con. Attends, courage. Merde. Courage. C'est quoi ce son là? On se croirait dans une porcherie. Mais c'est quoi là? Je sais même pas, c'est la panique. Ouais. Oh là là là là. Vas-y, il est même pas branché. Mais si, attends, il va être branché. Tu bosses un peu. Ça va aller. J'ai oublié de la bande FM. Voilà, tu vois. Voilà. On vient de se couper les secoupes vibrantes avec remets des poils. J'en ai pas encore eu. J'ai pas encore eu d'orgasme. D'orgasme. Voilà. Alors on récupère sans cul. Quoi? Sans cul clair? Sans cul caillera. Allô. Allô, tranquille, Gérard. Ta fréquence. Bon, vas-y, reste tranquille. Ta fréquence, tu restes poli ou sinon tu sors. Moi, mes potes de la cité, on te fout des pouces, reste tranquille un peu. Bon, alors, Manu, terminé pour lui. Attends, il avait un truc super intéressant. Non, allez hop. Vas-y, ferme ta gueule. Allez hop, tu dégages. Allez hop, au revoir, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Tu lui dis au revoir. Au revoir. Non, tu... hop. J'arrive pas à le reprendre, Gigi. Je suis pas ton débat, c'est tout, tu restes tranquille. Ouais, bah toi, tu dégages. Tu dégages, c'est tout, au revoir. Attends, bichon. Au revoir, allez hop. Manu, s'il te plaît, tu me le vires. J'y arrive pas. Ouais. Tu l'as. Ouais, bah vous restez poli parce que tout à l'heure, j'arrête. Ok. Super. Alors. Ouais, bah toi, tu t'en vas, toi, ça va être super pour toi. C'est ça, c'est toujours de, parmi nous. Oui, toujours parmi toi, Gérard. Et Armagué, dis donc, c'est ça? Non, Armagué d'Indon, s'il te plaît. Ah bah ouais. Bonsoir, Gérard, heureux de pouvoir enfin te parler. C'est quoi ta fréquence? C'est 101.17. 101.17, ça existe? Tout à fait, c'est à Liandreux. À Liandreux? Oui. C'est où ça? C'est dans Lyon-Maritime. Dans Lyon-Maritime. Dans Lyon-Maritime? Oui, la partie côtière, si tu veux, de la frontière. Eh mais c'est qui s'amuse à passer l'aspirateur, là? Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu devrais le passer un peu plus souvent, d'ailleurs. C'est qui passe l'aspirateur? C'est pénible, hein. Si seulement ça pouvait être ta femme. Tu sais ce qu'elle te dit, ma femme? Elle te dit les cinq lettres. Et encore, je suis poli, d'accord? Alors, la question, un ovni ou extraterrestre peuvent-ils être stationnés partout? On demande à suceuse. Noémie? Prends des autistes un peu là. Tu prends des auditeurs au standard, il faut du monde là. On a que deux personnes, faudra peut-être accélérer. Hein. Alors, Armagué-Didon là. D'Indon, moi je pense que ça dépend tout simplement du véhicule. Ouais, mais partout, c'est pas question d'OVNI, d'extraterrestre ou pas, ça dépend du véhicule, c'est tout. Si t'as un véhicule prioritaire, si t'as un truc de médecin ou un truc comme ça, tu peux, sinon, que dalle, comme d'hab. Privilégié, il y a des nantis et c'est toujours pareil, voilà. Mais de toute manière, il n'y a pas que les privilégiés, hein, c'est pas parce que c'est des urgences, tu peux stationner quand même un peu partout aussi. Attends, en voiture. Tu vas pas me faire croire qu'un OVNI, il est là en urgence, ce sont. C'est pas possible. Ouais, d'accord. Bah oui. Oh, non, mais je parle à Pulgar parce que j'ai un son pourri dans le micro là, mais c'est la catastrophe là ce soir. Hein. Gérard, j'ai deux nouveaux auditeurs pour toi. Ouais. Il y a Dalida du Cosmos qui est arrivée, bonsoir. Et il y a aussi Mouldor. Bonsoir. Bonsoir, DJ. Salut, DJ. Oui, bonsoir, Mouldor. Ouais. Et toi là-bas dans le noir? Mouldor. Oui, Mouldor, ouais. Mouldor, ça peut. Mouldor. Ouais. Et l'autre? Oh là, oh. Pulgar! Il est beau, tu vois. Merci. Pas mal. C'est quoi? Double son, j'aime pas trop, d'accord? Et c'est qui? Il kiffe que la double peinée. Et c'est qui l'autre? Dalida du Cosmos et Mouldor. Dalida. Dalida. Oh hey, tu travailles? Bonjour. Bonsoir, c'est Orlando. Bonsoir. C'est drôle. Bon, c'est quoi ce bordel là? C'est très drôle, je t'aime. Ah, non, mais c'est quoi là? Oh pas... Olivier, je la prends, s'il te plaît, au boulot. Tu peux boulot. Peut-être essayer de faire ton débat avec le mec qu'on entend. Bon, Dalida, tu t'écrases. Dalida, tu t'écrases une fois, Dalida, deux fois, Dalida, trois fois, au revoir. Non. Au revoir. Gérard. Dalida, au revoir. Dalida, au revoir. Manu, une fois. Une fois. Tu le vires. Gérard. Tu le vires qui? Tu le vires qui? Dalida, tu le vires. T'entends rien, Gérard. Oh là là. Virer Dalida. Dalida. Ouais. Hey, le cul, c'est comme les oreilles, ça se lave. J'avais pas entendu, tu parles pas assez fort. Ouais, bah, c'est pas un micro de merde. Quoi? Hein? Ouais, allez hop, tu viens Dalida, tu me reprends une autre personne. Mulder, donc la question, tu l'as entendu? Oh bah non, carrément pas. Le stationnement. Ah non, j'ai carrément pas. Hey, mais ça... Gérard? T'es venu avec Curly? Je sais pas ce qui se passe. Ouais, ce bordel là! Ah. Isme ce week-end à Gérard? C'est la radio ça? Après, Eunice Barber, Christine. Ouais, ça a l'air. Oh là là là, je sens qu'on va. C'est quoi là? Ouais. Oh! Et quoi? C'est pas moi? Arrête, Gérard! Ne lance pas d'objets. Voilà, hola, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce pas ça, Nino. Dors. Mais non, attends. Bildar, dors. J'ai rien fait. Bildar, dors. Mais attends, vous allez pas vous battre. Bildar, dors. Mais qu'est-ce qu'il y a? Attends, l'autre, il s'amuse à mettre... Il met les incons. Alors, Bildar, dors. Moi, oh, là, on est à... Julien, bonne nuit. Ça remonte, là, on est à 4 minutes. Bonne nuit. Gérard, ça remonte un peu sur l'IRC. Julien, bonne nuit. Olivier de la Pro, tu viens à la place. Moi, je prends. Boulot, Fildard, dehors. Je propose un truc. Un pétomane pour un DEP, c'est chaud. Fildard, tu vires. Ouais, bah ouais. Et puis là, c'est le micro d'Olivier. Ah non, mais pas le mot de la pro. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu parles Ed. Ouais, t'es bouché ou quoi là? Le double son. J'entends rien, moi. Le double son. C'est tes oreilles, c'est le cérumen, Gérard. Ça colle et après, on entend des bruits, ça se répercute sur les parois et c'est une horreur. C'est tout. Olivier. Ah, ça marche, ça marche, ça marche. Voilà. Commence pas ton bordel, hein. Gérard, je vais en profiter pour poser une petite question de l'IRC. Il y a Yankee qui voulait savoir comment elle donne au lit la sœur Dicky. J'en sais rien. Alors, s'il commence à parler des conneries comme ça, ça commence à bien faire sur l'IRC. Manu. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Bonsoir. Je voulais accueillir Dark Cador. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? On a mis un coup de ventoline. Manu, tu l'as bien prévenu que c'était un débat, nous on a eu un champ de foire ici. Okay, ah bon? Ouais, non, je l'ai dit. Dark Cador! Je suis là, Gérard. Dark Cador, c'est pas un bordel! Je t'écoute, Gérard. Je sens la force te pénétrer. Bon, alors. Et te dilater. Manu, tu sautes Dark Cador. Je le calme. Tu le calmes tout de suite calme, parce que Cador, il va dégager. Oh là là là. Alors la question, c'est un ovni ou extraterrestre peut-il stationner partout? On va demander à Suceuse. Oui, j'ai. C'est ce que disait tout à l'heure mon camarade, ça dépend de la taille de son véhicule. Donc Mulder, tu veux dire? Non, Armageddon, non. Ouais, je pense qu'on peut pas savoir, Gérard. T'en as déjà vu, toi, un extraterrestre? Non mais attends, c'est bien toi tout à l'heure qui m'a dit que... Non, c'est moi. C'est qui? C'est Armageddon, je t'ai dit. Ouais, c'est lui qui... Ah ouais, c'est toi, ouais. C'est moi, ouais. D'accord. Tu me laisses finir si t'as pas une capsule, genre, tu vois, cabine téléphonique, t'as plus grand, tu la mettre n'importe où. D'accord. Et tu veux faire allusion à quoi avec la cabine téléphonique? Bah, rien, je sais pas. Pour te donner une idée de grandeur. Suceuse, un conseil que je te donne, t'amuses pas à essayer de vouloir dire des conneries par rapport à ce que je faisais quand j'ai connu Max, d'accord? Parce que sinon tu pourras... La prostitution, c'est tout. Dark Cador, tu t'écrases, s'il te plaît. Non, c'est pas lui, c'est pas lui, je crois. C'est Dark Pure. Olivier, s'il te plaît. Oh là là. Olivier, merci. Dark Cador. Non, Mulder, pardon. Ouais, bah moi je t'ai dit, j'en sais rien, t'as déjà vu un extraterrestre, toi? Tu peux juger? Tu peux pas répondre à cette question? Mais t'as jamais pas d'imagination, Dark Cador. Oh, tu es la meuf. Non, c'est pas Dark Cador, c'est Mulder. Déjà. Qui c'est qui s'amuse à mettre des informations parmi vous? Bonsoir, Dark. Bonsoir. Si je te frappe, je te mords. Moi j'ai pas prévu cette affaire à Yoda déjà. Oh là là, c'est quoi là, celui-là encore? Bon, il est déjà pas capable de réparer les micros, mais c'est le bordel. Noémie, elle a rien. Ça rechute l'audience. Là, on touche le fond, là. Noémie, c'est bon, ça va? Je te demande de venir épauler Manu pour prendre des auditeurs, mais apparemment... Je travaille, t'inquiète pas. Bah ouais, mais faudrait peut-être... J'ai juste le temps de finir ma crotte, mais j'ai pas eu le temps de m'essuyer. Excusez-moi, j'arrive en coup de vent. Tout à l'heure, tu as rien. En parlant de vent. Je crois que tu vas peut-être avoir le temps de te prendre une bave dans ta gueule si tu continues aussi. Moi, je fais rien, et tu vois, et c'est terminé. Dark Cador, donc pour toi. Pour moi, quoi, Gérard? Je n'ai pas entendu la question. Oh là là, mais oh! Parce que je le calmais au standard, j'ai dit. Un extra. Désolé, Gérard. J'ai une grande révélation à te faire. Tu réponds à la question ou tu vires? Je réponds à ta question immédiatement, Gérard. Tu es son père. Je suis ton père. Alors, au revoir, Dark Cador. Au revoir. Au revoir. Sinon, je te tire les moustaches du cul. Hop, tu lui dis bonne nuit, c'est terminé pour lui. Voilà, comme ça on va être tranquille avec celui-là. Gérard, j'ai un sondage de Davy One réalisé auprès du fan club des extraterrestres de Vos Surfed Molette. C'est où ce. Apparemment, ça doit être en Belgique. 10% des gens se demandent si les extraterrestres n'ont pas des kystes dans le cou. Non, il y en a plus. Il y en a plus du tout. 26% des gens ont déjà vu un extraterrestre. Il ressemblait au cul de, on dira pas qui, avec des Twix pour les yeux. Et 28% des gens n'aiment pas les extraterrestres car ils ne lisent pas Homo Mag. Eh ben, c'est bien là. Dans ce cas-là, son sondage de merde, il peut se le carrer ou que je pense. On a personne d'autre, Noémie, pour l'instant. Il y a personne d'autre qui peut. Narcador, on a personne pour le remplacer. Non, j'ai pas trouvé encore. Bon, alors on pose la suivante, c'est pas grave, il prendra où que ça en sera la question. Êtes-vous terrifié ou impressionné par des ovnis ou des extraterrestres? Êtes-vous quoi? Êtes-vous terrifié ou impressionné par les ovnis ou extraterrestres? On va demander ça à Armagedon. Presque. J'espère que tu plaisantes. Attends, 5 minutes. Oui, je voulais juste. Oui. On accueille à nouveau à la place de Dark Darkador. On accueille Jean-Claude. Oh là là. Bonsoir Jean. C'est qui s'amuse à faire c'est ça pas moi. Il vient de mettre un auditeur à l'antenne, je sais pas. Alors tu lui dis que attends. C'est. Il y a une couille. Ah voilà. Ah bah c'était Jean-Claude alors. Non, je sais pas. Mais non, mais c'est qui s'amuse à mettre de la musique comme ça, là? Jean-Claude, tu vas me dire pas de toute façon. Jean-Claude, c'est toi? Mais je crois qu'il est pas là, Jean-Claude, en fait, je sais pas. Ah bon, bah, allô? Allô? Allô? Jean-Claude? Allô? Ah, ça y est, il est là. Allô? Jean-Claude? Oui, allô? Ça y est, c'est bon. Allô? Jean-Claude? Allô? Allô? Allô? Oui, écoute. Mais c'est quoi ce bordel au standard là? Non, écoute, Gérard, c'est ton couille-caille. Je voulais juste te demander un service. Est-ce que tu pourrais péter que je récupère mon sushi, s'il te plaît? Mais lui, j'avais dit au revoir, qu'est-ce qu'il fait là encore? Non, mais là, c'est Jean-Claude. J'ai récupéré mon sushi, non, mais tu. Alors tu lui dis au revoir. Ok, si tu peux. Allez, bonne nuit! C'est un coup, je récupère mon anguille. Dégage, au revoir, bonne nuit. Qui Jean-Claude, là, tu lui dis au revoir, comme ça me prend des vacances. Il n'y a pas Jean-Claude. Bah si, Jean-Claude. C'est l'autre, là. C'est celui qu'on a viré tout à l'heure. Oui. C'est Sam Koukaï, là. Alors tu lui dis au revoir. Ok. Bon, alors, suceuse. Oui, GG. Oh là, c'est de la vidéo, là. C'est quoi ta question, Gégé? Êtes-vous terrifié ou impressionné par les ovnis ou extraterrestres? Ça dépend de quel film. Bah justement, on va parler parce qu'on va commencer à en venir sur la question qu'on parlait de tout à l'heure de V et de IT. Ouais, par exemple, tu vois, quand j'ai regardé IT, j'ai pas eu peur. Bonsoir et bienvenue sur le répondeur de Monsieur Manu. Manu, s'il te plaît. Chuchoter le pourtour anal. Appuie sur 1. Appuie sur 1. Mais c'est pas moi, mais merde. Approche ton pourtour anal du combiné. C'est moi. Voilà. Ça marche encore. Alors c'est qui? Approche encore un peu plus ton pourtour anal du combiné. Bon ben quand celui-là il aura. Je ne vois pas ton pourtour anal. Rapproche-toi. Ça y est. Bon, ça y est, c'était. Attention, prends bien ta respiration. Manu, s'il te plaît, tu fais ton boulot correctement et Fildar, tu arrêtes. Et ça démarre. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Hé, quoi? Manu, Fildar, c'est la dernière fois que je fais des débats. Rapprochez ton pourtour anal du combiné. Rapproche ton pourtour anal. Ça y est. Je sens qu'il y en a qui vont morfler. Attention, c'est parti. Oui. Et maintenant, soulève-toi. Tu gères un peu le standard ou pas? Manu! C'est pas moi. Hop là. Soulever. Non mais attends, on peut plus là. Non mais là c'est même pas la peine qu'on continue. Pour soulever tes testicules. Allez, hop, c'est pas la peine. Appuie sur la touche numéro 6. Non c'est pas la peine. Ben voilà. Donc tu peux. Attention. Tu peux dire au revoir aux auditeurs. On arrête. C'est terminé. Le pourtour anal. C'est terminé. Ouais. C'est terminé. Il y a trop de chute. Il y a une baisse. Trop. Non. On dit au revoir. C'est faux. Non je veux dire au revoir. Réponds à ta question. Non. De la main gauche. Non, non, c'est terminé. La grippe, le concombre sur le haut du frigidaire. Non, non, j'arrête. Écoute. Attends, c'est quoi ce bordel là? Non, non, moi je continue pas de travailler comme ça aujourd'hui. Hein. Non, on arrête. Il y a une chute d'audience. Moi j'arrête. Sur la touche. Non, non, mais là c'est terminé, moi. Bonjour, on prend le débat et on part sur ta question. C'est non, non, là c'est terminé. Hein. On arrête. C'est tout. Ah, mais je crois qu'il faut que t'appuies sur 6. Raccroche le concombre. Pour réplucher le concombre, appuyez sur la touche 48. Bravo, tu as épluché un concombre. Ouais. Bon, bah c'est ça. Tu peux faire. C'est ça, pour les auditeurs. Je coupe les auditeurs. Non, non, mais c'est fini. Hein. L'audience, c'est la catastrophe. Ça, c'est terminé. Donc, on va dire. C'est de la merde ce soir. On s'excuse. Donc, suceuse, on te dit au revoir. Non. On va reprendre maintenant les mecs, vous allez mettre le feu. Mais là, maintenant, tu te débrouilles. Mais essaie de remonter l'audience. Manu, c'est la dernière fois que je te le dis. Noémie, tu me prends des auditeurs tout de suite parce qu'on va mettre un disque et ça va aller vite fait. Non, mais attends. Tant qu'on n'a pas de on va dire au revoir à Suceuse, à Muldor et à Margot Dindon. C'est très bien Suceuse, elle t'a rien dit. Ouais. Bah, on garde Suceuse. Et Margot Dindon aussi, hein, il t'a rien dit. Ouais, non, mais tu me changes des auditeurs, c'est tout. Et c'est terminé parce que là, c'est la catastrophe. Donc Manu et Noémie, vous avez le temps du disque pour nous trouver des auditeurs sympas et qu'ils soient bien réveillés parce que sinon ça va sinon j'arrive plus de suite. Donc Pildar, c'est quoi le titre? Je sais pas, j'attends le titre de Manu qui le titre du disque. Alors on va s'écouter le petit E.T. sans maison avec respecte la nature comme moi, fais des proutes au GPL et on se retrouve après avec d'autres auditeurs. C'est pourquoi, connard? Les débats de Gérard. Et voilà, vous venez d'écouter le petit Iti sans maison avec respecte la nature comme moi. Fais des proutes au GPL. Et on récupère Rigaud. Je t'avais posé une question. Attends, c'est les débats de Gérard. Je dois savoir l'IRC avant quand même. Ouais. Alors, on est énormément maintenant, c'est bien remonté. On est à 8247. Eh ben, mon parce qu'il y avait des gens comme Snooze qui étaient partis bosser des animes sous Lightwave. Il n'y a pas de questions sur la. Il n'y a pas trop de questions. Sur les ovinants, sur ta grosse oui, donc on va éviter. Bah, ça, c'est pas la peine, donc dans ces cas-là. Bon, alors pour ça, on accueille Golgoth 21. Bonsoir à toi. Bonsoir. Ta fréquence, s'il te plaît. 102.7. D'accord. Suceuse, toujours là. Toujours là, ouais. Ok. Armagedindon. Ouais, toujours là, tranquille. Toujours là. Ouais. Fildar, c'est la dernière fois que je te dis, tu t'amuses pas avec mon micro. Oui. Fildar ! C'est pas moi. Si, c'est toi, tu t'amuses. Comment je peux faire ? Et c'est quoi, c'est DA que tu m'as mis là ? Tata. Et Tata, t'appelles d'où ? Tata, t'appelles d'eux. Excuse-moi. Bon, allez, au revoir. Tu peux aller. Il est là. Il est où? Mais il est là, on vient. Oui. Bon, Tata, au revoir. Oh là là. Au revoir. Allô. Salut, Tata. Ça y est, t'as fini tes conneries? Mais non, mais je suis là. Bon, tu prends pas une voix de PD, d'accord? Mais dis donc déjà, tu commences très mal, je trouve, parce que si tu commences à être aussi raciste vis-à-vis des PD, je trouve ça dégueulasse, à chaque fois que je passe sur l'antenne, c'est la même chose. Ouais, bah, si t'es pas content, c'est le même prix, c'est moi qui commande le jeudi, d'accord? Mais ouais. je suis très contente, mais par contre, tu n'as pas à m'insulter. Ouais, bah, pour l'instant, c'est moi qui commande, alors je te dis que t'arrêtes un peu, ok? Oh là, le mec! C'est clair, net et précieux, sinon tu dégages, d'accord? Bon, alors, recommençons sur de bonnes bases, parce que je crois qu'on est mal parti. Ouais, bah, on est mal parti. Pour l'instant, tu vas t'écraser, tu vas répondre à la question. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux me poser la question maintenant? Alors, êtes-vous terrifié ou impressionné par des ovnis ou extraterrestres? Donc, on avait commencé avec Suce. On avait commencé. Tata, tu me laisses parler, s'il te plaît, merci. On avait commencé avec Suceuse à parler des deux films, donc c'est-à-dire E.T. et V, c'est ça, hein, Suceuse, hein? Non, pas du tout. Je voulais pas du tout parler de V. Donc c'est avec E.T. alors? Bah, E.T., je te disais, E.T., j'ai pas eu peur, mais à Liège, j'ai eu peur. Avec Alien? À Liège, ouais. Ah ouais, mais c'est pas du tout le même film que V, ça, si. C'est des extraterrestres. Ça se ressemble. Ouais, c'est pareil. C'est la suite, je crois. Ouais. Non, mais ce qui était bien dans V, le tu sais, sur M6. Ouais. Ouais, mais vrai. Moi, je qui jouait avec l'équipe, là. Ouais, non, mais moi, je regarde. Tu sais, on avait parlé tout à l'heure. Ouais, mais sur la 5 aussi, sur la 5. Ouais, c'est des extraterrestres tout verts, là, quand il est là. Il est beau. Ouais, non, mais justement, la question, on va y venir petit à petit. Ah ouais, il y en a combien, là? Là, on est à la 8e. Ah, d'accord, ok. Mais justement, comme Suceuse, elle voulait parler un peu de E.T. Donc, Golgoth, toi, Suceuse, on en rediscute un peu après avec les autres auditeurs. S'ils veulent bien qu'on en discute un peu avant qu'on arrête, parce que normalement, c'est prévu jusqu'à 2h. Mm-hmm. Donc, je voudrais bien qu'on finisse tranquillement. Tranquillement, et de bonne humeur, s'il te plaît, Tata, parce que c'est pas toi qui commande et tu me coupes pas la parole, s'il te plaît, merci. D'accord, mon Dieu. Donc, moi, je voudrais terminer sur de bonnes bases. Le premier débat que je fais, celui qui s'amuse derrière un personne, arrête. Ça jouit, hein. Donc, Golgoth 21. Ouais, bah alors, moi en fait, parler d'extraterrestres, non, j'ai pas trop peur, mais là, ce qui m'a fait vachement flipper et impressionner, c'est qu'il y a peu de temps, à ce qui paraît, la planète Kist a implosé, et bon, j'ai peur qu'il y ait des déchets qui retombent sur la planète Terre, ça serait chaud. Tu veux faire allusion à quoi exactement? C'est la planète Kist. Ouais, non, mais... dans le système solaire de d'Agoba. Ouais. Et donc, à ce qui paraît, ça a explosé il y a très peu de temps. Ouais. Et tu veux faire, en parlant de Kist, tu veux faire allusion... Non, je parle pas de Kist, je parle de la planète Kist. Ah, d'accord. Avec un E. Non, c'est pas la même chose, avec un E à la fin. Ah ouais, ça me fait flipper, hein. C'est le genre de truc, ça m'impressionne grave. Hein. Mais pas trop. Donc, ça. comme Suceuse disait, même Armageddon dindon, là, si tu veux réagir aussi. Ouais, ouais, même Tata, si, après je te poserai tu répondras à la question. Merci. Donc, comme Suceuse disait là tout à l'heure, en parlant de IT, est-ce que vous l'avez déjà vu, vous, ce film-là? Ouais, ben, bien sûr. Moi, j'ai ITV? Pas peur. Hein. Moi, j'ai pas peur. Non, IT, ouais, mais TV. ITV avec les infos, on continue. Non, oh là là là, t'es bouché, quoi. Tata, tu l'as déjà vu, toi, ce film-là? Bah oui, j'ai déjà vu, moi j'étais très très... Oh, pas Tata, mais à qui tu parles? Attends, oh, je suis à la radio. Mais tiens, c'est ça, ouais, c'est à la radio. À la radio de quoi? Bon, tu le mets en antenne. En antenne, Tata. Au revoir. Je ne veux plus vous parler. Non, non, mais au revoir. Manu, tu lui dis au revoir, c'est même pas la peine qu'il revienne. Au revoir, c'est même pas la peine que tu reviennes. Non, non, mais ça y est, il est parti. Armageddon, là. Ouais, non, moi je te disais, moi j'ai pas peur, je suis pas une fiotte, hein. Mm-hmm. Je connais quand même, on va pas se laisser emmerder par 2-3 aliens de base, quoi, tu vois. Ça kiffe. D'accord. Donc, toi, Golgoth, tu l'as pas vu, toi, d'après ce que tu m'as dit, hein. Armageddon? Non. On te parle de IT, espèce d'andouille. Mais bien sûr que j'ai vu ça, mais j'étais très jeune et je m'en souviens qu'à moitié. En fait. Ouais, qui c'est qui s'amuse à Arce? Ah non, rappelle pas le répondeur de Mazur. Ah ouais, non, je sais pas, non, ça. C'est qui s'amuse, là? J'ai plus de son con. Putain, hein, Manu, t'es pénible. Manu! Mais je fais rien, j'appelle personne, là. De fou. Eh, mais c'est quoi cette sonnerie? C'est un auditeur qui appelle, je sais pas. Bah, non. Décroche le lui aussi, ça sonne, tu branles rien. Tu vois bien qu'il est en main libre, là, regarde. Il est en conférence, là, ça voit. Il est en main libre. La question suivante. Ouais. Combien de sortes d'ovnis d'extraterrestres existent-ils? On va demander à Golgoth. Bah alors, vu que déjà je suis... Oh putain, c'est dur, là, hein. La ligne de votre correspondant est interrompue. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre... Okay, Manu! Ok. Manu! Ok. Ah, c'est reparti pour un tour. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Excuse-moi, j'avais pas mon casque. Tu cherches celui qui s'amuse à faire ça. Ok. Sinon, il est 1h30. C'est le cochon de base. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu dans le débat? Parce que moi, j'aimerais bien suivre un peu ce débat de merde. Ouais. Toi, déjà, pour commencer, tu vas fermer ta grande gueule. De merde. Rien de merde. Et tu vas faire ton boulot à l'arrière et c'est tout. Tu sais que t'es beau quand tu t'énerves parce que t'as les moustaches qui bandent. Et elles sont grosses. On accueille Princesse Léa à GG. J'ai pas eu le temps de foutre la zik. Enfin, tu comprends, moi. Je te fous vraiment, c'est dommage. Princesse Léa, c'est bien, je connais ta galère. Princesse Léa, bonsoir. Oui, bonsoir. T'appelles d'où? C'est suffis. Et j'appelle de Paris. Donc, sans un train. Je suis allé à Paris en ce moment. Ok. Oh, vous vous calmez là, les deux mecs? Oh, tu es Michel, impressionné quand même. Combien de sortes d'ovnis ou d'extraterrestres existent-ils, alors, Princesse Léa? Alors, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. C'est-à-dire? Il faut faire attention. Hein. Faut faire, entre les ovnis et les extraterrestres, déjà, il faut faire une distinction. Et il y a énormément. Il y a les gentils aussi, les méchants, tu vois. Ouais. Non, mais combien de sortes? À mon avis, on a un bon millier. Beaucoup de Chewbacca, beaucoup de Yoda, etc. Tu vois, il y a plein de sortes d'extraterrestres. Non, mais c'est très, très intéressant. D'accord. Cool. Armageddon. Ouais, moi je pense que c'est carrément incalculable. Complètement. Ouais. Non, mais tu peux préciser. Parce que non, je peux pas préciser. Je t'ai dit que c'est indénombrable, donc ça veut dire qu'on peut pas, préciser. Justement, ils sont tellement nombreux que je sais pas, il faudra des années pour compter tout ça, tu vois. Mmh. Donc voilà. Et c'est ça. Moi, je crois qu'il y en a autant que de terriens. Autant d'ovnis d'extraterrestres que de... Et re-bienvenue sur le répondeur de Monsieur Mazur. Ouais, enfin. Tu es une grosse cochonne. Tu as déjà appelé et dépensé 4875 francs tout à l'heure pour te faire lécher le pantoufle. Manu, une fois, désormais, Manu. Tu veux jouer avec ta Manu, je te jure sur ta tête que c'est pas moi. Bon, alors je sens qu'on va dire... Faire une branlette espagnole à la race à Bion. Je sens qu'on arrête. La touche numéro 2. On va arrêter. Donc on va faire... Chatouiller. Coucou, il y a Gérard. On arrête le débat. On arrête le débat. On demande... Gérard, est-ce que vous la serre ou pas? Du coup, tout arrête. On a terminé. C'est fini. Non, mais non. Alors c'est toi qui t'amuses à faire ce con. Mais non, je viens de couper l'insert, moi. Alors de toute manière, c'est simple, tu mets les auditeurs, je dis au revoir et c'est terminé. Voilà, ça fait déjà trois fois que ça se produit. Mais je coupe l'insert, moi, je peux pas faire ça. Ça vient pas d'abord celui. Je coupe l'insert, regarde. Pour éplucher, regarde. Tu vois? Petite carotte. Je coupe l'insert, moi. Eh, c'est quoi le voyant vert, la petite fringale? Voilà. C'est des gens en attente? Non, tu les mets sur... Approchez, c'est coucou. Tu m'éteins ça, s'il te plaît! Mais je peux pas, c'est pas moi! C'est qui? Bah, je sais pas! Nous te conseillons pour cette opération de te... Bon, allez hop, c'est terminé. C'est terminé, le premier débat. Le premier débat du jeudi par mois. Bien, foire. On a foiré de tous les côtés, donc on y est. On fait la conclusion et c'est tout. Non, Gérard, il y a du monde qui revient sur l'IRC. Manu, c'est terminé, tu me coupes tout. Coupe-lui tout, s'il te plaît. Ok. Faut des grosses cisailles, quand même. Tiens, je vais te mettre une grosse cisaille sur le coin du museau, tu vas voir. Qui coupe le métal et tout. Hein? Noémie. Noémie, faut pas... Ouais, non, mais faut pas dormir, hein, pour... Tu veux que je passe à l'arrière, Gérard? Non. Ah non, si tu mets l'autre, viens, file avec moi. Non, il reste là-bas. Bon, c'est simple. C'est où? Tu calmes... Deux choses. Une. Dis-la. Déjà une, toi, tu perds une. Quoi, déjà, pour commencer, tu vas faire ton boulot correctement. Deux. Et de deux, au standard, vous faites votre boulot. Trois. Et trois, vous fermez vos gueules. Voilà. Voilà. Ça, c'est un bon point, ça. Alors, je préviens, je recommence. Il reste plus qu'à peine une demi-heure. Si j'entends encore Monsieur Mazur, je coupe, j'arrête carrément d'entrer. C'est simple, clair, net, précis. J'irai pas jusqu'aux 11 questions. On en a la 8e, là. Non, 9e. Putain, ça passe. Donc, la question, c'était combien de sortes d'ovnis ou d'extraterrestres existent-ils? On en était avec... Vous êtes à l'antenne. On est à l'antenne. Dis le plus fort, Gérard. Je peux pas leur dire, c'est à toi de leur dire. Je peux pas leur dire. Tu as sucoté les coucouilles de Gérard. Tu es vivant ou vivant. Ça y est, c'est terminé. C'est fini. C'est fini ce coup-là, j'avais bien précisé. Mais donc... Non, mais c'est à toi, putain, c'est toi commandé. Terminé. Manu, c'est terminé, tu dis... Non, c'est fini. L'animateur est pas arrivé. Mais c'est quoi là que tu me fous comme merde? Là, pour l'instant, t'es en train de foutre de ta merde. Tu la fous déjà, tu la fous pas la semaine avec Max, mais avec moi tu la fous. Avec tes enfants, je fais pas caca et là je fais une grosse... Tu as calmé tout le monde et rapidement. Ça y est. Non, mais tu vois, c'est pas... Ça y est, tu l'as fait tout de suite. Non, ça y est. Gérard, pas de soucis. Sur IRC, il y a beaucoup d'internautes qui aimeraient bien savoir ce qu'on peut gagner une fois qu'on t'a coupé les couilles sur le répondeur de Monsieur Mazur. Il y a rien du tout. À gagner, c'est tout. Ils passeront chez Bob demain matin, ils lui demanderont. Voilà, comme ça, ils verront. Ils verront ça avec Bob. Ouais, c'est génial. Alors, Golgoth. Ouais, ouais. Donc, pour toi. Bah, moi, je t'ai déjà répondu, en fait, Gérard. Non, non, tu m'as pas répondu, je t'ai armé. Ok, donc, 25, peut être 37, il doit en avoir pas plus, hein, à mon avis. Parce que ça s'est arrêté à Golgoth 37, donc il y a eu 37 prototypes. Non, mais... C'est des antirats, quoi. Ouais, après, c'est des antirac, donc ça doit faire une cinquantaine en tout, à peu près. D'accord. Ouais, bah, disons, t'as... En fait, la différence, c'est qu'il y a un pilote dans les antirac et pas dans les Golgoth, en fait, c'est ça la différence. Golgoth, il est télécommandé, en fait. Gérard, en tant que Golgoth, j'ai un gros pouce et j'aimerais savoir si Sandy est OK pour me le sucer. Alors, Golgoth, au revoir. Hop. Ouais, Golgoth, au revoir. Ouais, tu lui dis au revoir, ça y apprendra, ça lui dit. Faut le faire gueuler, le moustachu ou pas? Ouais, vas-y, vas-y. Ah merde, pardon, oh merde, mon micro, putain. Tout à l'heure, toi, ça va te faire gueuler le carton de CD sur le coin du museau, toi. Gueuler d'un bon. Tu crois que tu as ramassé les CD tout à l'heure, toi? Oui. Oui, sur IRC, il y a une petite question de Snooze pour calmer le débat. Il voulait savoir de quelle planète. Snooze Nogidog. De quelle planète viennent les extraterrestres? Ah, waouh. Ben, ils viennent d'une planète comme les ovnis. Donc, le nom de la planète, j'en sais rien. Mm-hmm. Parce qu'on ne sait pas sur quelle planète ils sont exactement, donc je ne peux pas trop lui répondre. Mais depuis tout à l'heure, tu parles des ovnis, mais c'est comment physiquement un ovni? Un ovni, c'est un genre de secoupe volante, exactement. Mm-hmm. De toute manière, il y a quoi dedans? Ben, c'est des extraterrestres, c'est des bonhommes verts qui sont dedans. De toute manière, je ne sais pas, j'entends... Ils sont verts comme les Schtroumpfs? Non, les Schtroumpfs, ils ne sont pas verts, ils sont bleus. Mm-hmm. À mon avis. De toute manière, si vous voulez savoir exactement ce que veut dire le mot ovni et tout ça, bah, vous attendez mardi avec les frères Bogdanov qui seront là justement pour en parler. On te l'a dit déjà ce que ça voulait dire. De quoi? On te l'a dit ce que ça voulait dire. C'est objet vibrant non identifié. Ouais, ben vous leur demanderez quand ils seront là parce que ça m'étonnerait que ça veut dire ça. Ouais, GG. Organisme vivant lié et idiot plutôt. Ouais, c'est ça, c'est ça raison. Dis bien des conneries parce que tout à l'heure, toi, t'es resté pour l'instant, t'as pas dit trop de conneries. Si tu commence vers la fin, tu risques de pas finir le débat. Tu parles avec qui, là? Bon, mais c'est pas mal, qui sait qui met la radio, là? Je suis pas ça y est, c'est la merde, hein. Bon, y a, on a personne à la place de Golgoth. Bah, justement, j'attendais que... Voilà. Donc, on accueille Patrice. Bonsoir, Patrice. Bonsoir, Patrice. T'appelles d'où? Je rappelle de Paris. C'est Mogda, en fait. J'ai couché le standard. Salut, Mogda. Bonjour, tout le monde. Ça va? Oui, ça va bien. Bon, c'est cool. Oui, oui, je parle des extraterrestres. Je remarque un truc. Salut, Gérard. On t'avait déjà pas dit au revoir, toi, tout à l'heure. Et voilà, ça recommence, comme d'habitude. On dit au revoir alors que j'arrive. Mogda, ah, t'as vu des extraterrestres? On n'a pas encore parlé des extraterrestres, moi. Pourquoi, Gérard? Non, mais attends, On l'a déjà pas eu, là, tout à l'heure, celui-là. Non, c'était il y a 6 mois, c'est pas grave, mais ça, c'est l'alcool, tu perds la notion du temps. Tu devrais moins boire. C'est ça, t'as raison, dis bien des conneries, toi, surtout que j'ai arrêté, d'accord? Tu bois tout, Gérard. Ouais, toi aussi. Tu bois tout, après, avec ta grosse, et après, tu sais plus quoi dire, ce que tu dis. Alors, Patrice, ma grosse, ça te dit les 5 lettres. Ma grosse, ça te dit les 5 lettres, et je te dis au revoir. Au revoir, Patrice, terminé. Au revoir. Manu, tu lui dis au revoir. Tu le vires, carrément. Au revoir. Au revoir. Pas jamais de moi. C'est ça, bah bonne nuit. Allez, c'est ça, bonne nuit. Bonne nuit. C'est ça. Va chercher des bananes, allez, bonne nuit. Hop, t'as adieu, j'ai vendu. Tu veux des bananes? Allez. Attends, Manu. Il t'a insulté. Merci. Il suffit de demander gentiment. Alors, princesse Léa, pour toi. On va faire des excuses. T'as déjà répondu. Armageddon. C'est fait, pareil. Pareil, suceuse. Idem. Alors, on passe à la 10e. Attends, avant, j'ai... Voilà. Ouais, un petit cheat là, ça fait du bien. Voilà. Finder, tu arrêtes s'il te plaît. Attends, ça poquait. Hein. Alors, la question, pensez-vous. Pourrez, oui, moi je pense pourrez bientôt. Pensez-vous communiquer avec un extraterrestre avec un ovni sur l'internet? On va demander ça à Suceuse. Bah, ça dépend en fait s'il a un. Finder, ferme ta bouche! S'il te plaît, merci! C'est normal, il a entendu. Suceuse! C'est une grosse suceuse, celui-là. Suceuse! Ouais, je t'avais déjà dit qu'il fallait un super grand fil. Hein. Bah attends, on a jamais parlé de l'internet encore, c'est la question. Si, il y a 6 mois avec Mozart. Ouais, ouais. Ah bon, toi tu reprends déjà les débats d'il y a 6 mois, toi. Bah toi aussi, hein. Celui-là, ça fait exprès, d'accord. Ouais, c'était il y a 3 ans en plus. Ouais, en plus, alors. Donc, alors oui ou non? Oh oui. Oui, bah oui. Oh là là. Bon, suceuse. Quoi? Il reste une question. Où tu travailles, où tu vas dormir? Non, mais écoute-moi, je suis en train de te répondre, là. Bon. Alors, tu réponds correctement à la question. Faut que l'extraterrestre, il a un PC dans son OVNI. Un OVNI! Faut qu'il ait un PC dans son OVNI. D'accord. C'est quoi un PC, Gérard? C'est un système pour avoir l'internet portable. Portable, ouais. Portable. D'accord. Ouais. Je crois que c'est un pauvre con. Armageddon. Ah oui, c'est un pauvre con comme toi, de toute manière. Voilà, comme ça, je te renvoie la balle. Donc, Armageddon. Armageddon, ouais, je pense que ouais. Forcément, parce que voilà, c'est tout, c'est la logique. Mmh. Tu veux, c'est des gens qui ont atteint un niveau de technologie élevé. Mmh. Et il serait quand même dommage qu'ils en soient encore à l'époque du Morse, tu vois. Ouais, d'accord. Mais je sais pas si à l'heure actuelle, le Morse, ça existe encore. Hein. Non, par contre, je sais qu'il y a des phoques. Mmh. Ouais, mais ça, de toute manière, il y en a beaucoup partout. Ah. Mais je pense que faudrait savoir si sur l'internet, on pouvait nous. Attends, si quelqu'un. Rigo, est-ce qu'on peut faire du Morse sur l'internet? Justement, j'aurais voulu savoir si à l'heure actuelle ça existe encore le morceau. Je pense que ça doit être terminé tout ça. Non, avec des points et des traits. Dans le Nord, il y en a. Regarde. Là, ils sont en train de communiquer en morse. Sur la banquise, ouais, il y en a. Mais attention, c'est du morse numérique. Ouais, c'est du morse numérique. Prince Léa, pour continuer pour répondre. Princesse Léa, excuse-moi, oui. C'est pas grave. En tout cas, oui, je suis d'accord avec Suceuse. Faudrait déjà qu'ils soient connectés au câble dans leur avenir, quand même. Mmh. Parce que sinon, je vois pas comment ils peuvent se connecter à Internet. Hein. Ouais, mais de toute manière, je pense que je sais pas comment qu'ils pourront en faire pour avoir l'internet s'ils ont pas le matos pour. Hein, déjà, il faut qu'ils aillent le téléphone. Il faut qu'ils parlent la même langue que nous aussi. Vas-y, finis. Non, mais attends, 5 minutes. Oh. 5 minutes, je prends un auditeur, tu parleras après, toi. Mais non, mais c'est pas un fil, c'est intéressant. Non, mais tu me donnes l'auditeur, tu me donnes le nom de l'auditeur pour l'aider. C'est Flamme. Flamme, bonsoir. Bonsoir. Flamme, capitaine Flamme. Gérard, tu m'arrêtes. C'est pas moi, attends, tu chies ou quoi là? Flamme, tu mets ta musique s'il te plaît. Okay, c'est parti. Merci. Oh, putain, j'ai plus de batterie dans mon téléphone, Bionic. Je suis en misère là. Ah bah alors, si t'as plus de. C'est pas grave, tu peux me rappeler au même numéro avec un téléphone filaire. Merci. Eh bah alors, tu vois ça avec Manu au standard. Au revoir. À tout de suite. Eh bah c'est bien. Celui-là, il a fait que l'aller-retour, c'est pas mal. Noémie. C'est vrai que ça lui arrive souvent. T'as personne là? C'est son téléphone. J'ai tout donné à Manu. C'est une merde. T'as des contractions au niveau du standard ou pas, Noémie? Non mais attends, Noémie. Oui. Qu'est-ce que c'est là, que ce bordel là? Comment ça se fait que t'es pas capable d'appuyer sur une touche et de prendre un auditeur? Je vais pas empiéter sur le territoire de Manu, voyons. Donc, tu te débrouilles. Fais-la! Tu m'éteins la double sens, s'il te plaît. Merci. Donc, Noémie, tu te débrouilles. En moins d'un quart d'heure, je veux un auditeur de ta part, ou sinon, les prochains débats, tu ne les feras pas dans les studios. C'est ta chance. Alors, tu te débrouilles, t'arrives à faire doucher toi avec du champagne. Alors, tu te débrouilles. Tu cherches un auditeur, qu'il soit auditeur ou détrice, n'importe, il reste un quart d'heure d'émission. Je veux un auditeur potable. Fildar, s'il te plaît, tu m'éteins le double guard. J'ai rien, moi. Je crois qu'il t'entend pas. Non, mais je sais qu'il est bouché, il doit mal se laver les oreilles ce matin, cet abruti. Bon, alors, qui c'est qui a pas répondu avec? Question, Fildar, tu arrêtes. Je te fous pas de ma gueule. C'est pas moi. Si, c'est toi. C'est pas moi. Tu vois que c'est toi parce que tu as. Regarde, j'ai rien. Ouais, alors tu arrêtes tout de suite. Putain, arrête. Tu arrêtes. Tu dis rien. De toute manière, c'est la dernier débat. C'est pas de scène. C'est pas de scène. Les gens t'écoutent, putain. C'est le dernier débat que tu feras avec moi maintenant. On est pas chez soi aussi. C'est le dernier débat que tu feras avec moi. C'est vrai, tu reviens plus après. Bon, Noémie, tu travailles là, s'il te plaît. Je suis misérable. Il te reste un quart d'heure. Mais c'est l'écho de la radio. C'est l'écho du mec qui a. Je m'en fous, c'est toi! Écoute ma biche. C'est toi, je suis pas ta biche, je couche pas avec toi, d'accord? Pas de scène de ménage devant tout le monde. Écrase! Dépêche-toi, ma biche. Écrase! De manière, j'attends que Noémie nous trouve un auditeur. Ah, ok, bon, bah je dors un peu. Ah, bon, on va aller bouffer un truc. Ok, bah, tiens, tu peux me chercher un café, Manu ? Je vais aller pisser. Hein ? Oh, Noémie, tu te dépêches, hein ? Ouais, c'est bien. Non, mais tu te dépêches parce que là, tu veux un truc ? Ouais, un sandwich, un truc. Ouais, pas mal, je voudrais bien un verre de coca. Tu vas te caresser les fesses, déjà. Eh, les mecs, vous savez quoi ? Vas-y, elle a trouvé quelqu'un, Noémie. Yeah. Non. Allô ? Allô ? Ouais, je suis de retour, Captain Flamme. C'est ça que tu m'as trouvé ? Ah non, j'en veux pas. Je lui dis au revoir. De retour, oh non ! Je lui dis au revoir. Je lui dis au revoir. Oui. Je le reprends son âme. Je lui dis au revoir. Je lui dis au revoir. C'est quoi là ? Noémie ! C'est bon, Gérard, je suis là pour être à fond dans ton... Non, c'est fini. Tiens-moi un petit peu. Ouais. Tiens-moi, mais chaud, quoi. Il peut peut-être lui passer malin. Tu le... Laisse tomber, j'ai tué. Y'a rien, là. Ouais, mais tu le retires et tu reprends quelqu'un d'autre. Mais t'as juste un coup de pouce devant la radio, laisse tomber. Bon, il est coupé, là. Bah non, Noémie. Bah bon. Il est où? Je suis toujours là. J'ai oublié. Ah bah tu cherches, je dois pas le savoir. C'est à 3, non? Voilà. Tu lui dis au revoir et tu reprends quelqu'un d'autre. Je vais le faire. Bon, on en est où dans le débat? C'est un débat sur quoi déjà? Donc, maintenant, on attend que Noémie nous trouve un non, mais c'est pas grave, tu peux rappeler qui tu es, pourquoi tu es là. Et d'ailleurs, donc, qu'est-ce que tu fous là d'ailleurs? On va faire la dernière question. C'est pas grave. Bah oui, il reste plus qu'un quart d'heure donc. Il restait pas un sondage? Non, parce que les deux sondages qui restaient, je les fais pas parce que... Bah, attends, il y avait des trucs vrais, hein. Il y avait des trucs à la con. D'après vous, d'où viennent les extraterrestres? Ah, c'est intéressant, ça. Bah ouais. Il est où le nid, en fait? Il faudra trouver la... J'ai pas fait celle-là. Il y en a une que je t'avais dit non et... Laquelle? La première, 68% répondent qu'il ne verra jamais un connard à moustache. Ça, de toute manière, c'est même pas la peine de le dire. Non, on le dit pas, c'est pas grave, on le dit pas. Bah, tu viens de le dire, espèce d'andouille. 50% pensent qu'ils viennent du 92 et qu'ils sentent leur mort. Dans ce cas-là, tu sens le rat pourri parce que tu viens de 3, d'accord? À 3, il y a que des rats pourris comme toi. Oh, la réponse géniale. Ça casse. Et 10% disent quoi? Ils disent d'une autre planète où tout le monde se rase les couilles. Alors là, je vais te dire une chose. Tu vois, un sondage comme ça. Hop! Voilà, tu le prends dans la tête. Alors, dernière question existe. Qui vise bien quand même. Hein. Est-il possible d'avoir des relations sexuelles avec un extraterrestre? Et pour ça... Je t'assure, il est en plein dedans. Oh là là. Et pour ça... Mais arrête, j'accueille un auditeur. Là, c'était dans le micro. T'en veux pas? Je t'explique au fur et à mesure. Le quatrième auditeur, t'en veux pas? Pour terminer, oui, voilà. Parce que c'est la fin du débat. On accueille Poussin. Il y a l'entraînement à force de cartonner ça. Salut, c'est moi Poussin. Salut Gérard. Salut, ta fréquence 92.7. Ok, donc dernière question. Le petit poussin, ouais. Dernière question, est-il possible d'avoir des relations sexuelles avec un extraterrestre? Donc c'est par rapport au film V, pour ceux qui l'ont vu. Bien sûr. Alors Poussin. Si je me rapporte à la série, c'est possible, puisque à la fin il y a eu un bébé lézard et tout. Mmh. Mais ce n'est que de la fiction. Bah oui, mais ça justement, c'est par rapport au film V, parce que moi je la suis pas cette série, j'aime pas trop. Donc apparemment, d'après ce que tout le monde dit, donc même Fuller m'en a parlé quand il m'a appelé. Ça c'est perso, tu le dis à personne. Justement, il paraît qu'à la fin, il y a des enfants. Donc c'est pour ça qu'on a fait illusion. Les seules relations sexuelles avec les extraterrestres que j'ai eues, c'est que je me suis pris pas mal de pouces dans les fesses, mais sinon ça cartonne bien, c'est sympa. Poussin. Ouais. Tu vas comment? C'est un petit pouce, bébé pouce. Ouais. C'est un bébé pouce qui va fermer sa gueule pour l'instant, que je continue avec Princesse Léa pour elle. Je la ferme. Voilà, merci. Okay. Et Princesse Léa. Oui, donc, écoute, d'après mon expérience personnelle, oui, les extraterrestres, c'est vraiment des bons coups, quoi. Oh, le studio d'à côté, il est pas encore là de mettre de la musique. Merci. Oui, oui. Alors, Princesse Léa. Oui, je te disais, oui, c'est vraiment des bons coups, hein, les extraterrestres, sérieusement. Surtout ceux qui ont plusieurs queues. Mm-hmm. D'accord, mais t'as pas vu le feu tomber, alors? Si, bien sûr, et justement, bah, tu vois, à la fin, il y a un petit bébé, quoi, donc c'est possible, là. Ouais, ben, de toute manière, je pense que même par la... Je crois que par la suite, il y en a d'autres aussi, je crois. Mais je suis pas sûr. Hein. Je sais pas ce que t'entends, Gérard, mais c'est un peu pourri comme série. Voilà. Non, mais moi, je la suis pas, cette série, parce que ça me plaît pas. Alors, Armageddon, continuez. Bah, écoute, moi, je trouve ça un peu dégueulasse. Parce que c'est vrai qu'il y a, danger, il y a une frisée, là, une petite meuf qui s'est culbutée par un lézard. Moi, je trouve ça repoussant, mais bon, après tout, chacun son truc. Hein. Il y a des gens, je sais pas, ils sautent des chiens mystères, tout ça. Moi, je dis chacun son truc, chacun sa vie. Et tu veux pas, tu veux faire allusion à quoi avec tes chiens mystères, là? Tu peux... À la zoophilie, si t'arrives à saisir l'essence de son... C'est compliqué, mais bon. Ouais, d'accord. Non, mais fais gaffe quand même à ce que tu dis. Bien serré. Suceuse, s'il vous plaît. Poussin, tu t'écrases, s'il te plaît, merci. Ok. Gérard. Oui, sur l'IRC, il y a des gens qui réagissent à ta question. Il y a Yankee, par exemple, qui dit que c'est possible un extraterrestre et un humain, vu que toi, t'as bien sauvé Willy. N'importe quoi. Alors là, je vois pas du tout le rapport avec. Le rapport, c'est Willy. Avec la... Je vois pas le rapport. Bon, bah, c'est pas grave. C'est qui vient de dire ça? C'est Poussin? Ah non, c'est pas moi. Poussin, Armageddon. Non, reconnais les voix, moi j'ai une voix d'homme. Non, ouais, ben, faudra peut-être. Fildar, s'il te plaît, tu arrêtes, parce que tout à l'heure, c'est ça que tu vas te prendre. C'est ton micro, Gérard, c'est pas moi. Ouais, c'est mon micro, surtout que tu t'amuses à appuyer sur des boutons. Non, j'ai appuyé option pour terminer. Et le rapport avec Sauvé Willy, c'est la taille, le poids et l'odeur. C'est bien, j'en ai rien à foutre. Suceuse pour terminer. Le poids et l'odeur. Suceuse pour terminer le débat. Merci. Il est là, Mala. Il est là, Mala. C'est clair, on dirait Mala. Ouais. Pour te répondre, oui, c'est pas de problème, quoi, s'ils ont des grosses bites. D'accord. Mais moi, je peux vous dire une chose, que cette série-là, j'aime pas, et puis je vois pas comment que... Je vais lui mettre un pour ça, c'est de Armageddon, tu te calmes, s'il te plaît. C'est pas moi. Bon, donc, on va faire conclusion du débat, parce que ça m'énerve. C'est Craig, tu arrêtes. Bonsoir à tous les gens de Megara. Pète les oreilles, tu m'étonnes. Tu m'as pété, j'ai plus de fin, j'ai plus rien à droite. T'as pété les niveaux, j'ai plus rien à droite. Combien tu es là, tu arrêtes, s'il te plaît. Oh là là, tu cries. C'est marrant, tu cries, ça monte, tu te calmes, ça redescend. Les gens de Vega aussi. Alors vas-y, enchaîne ton débat là. Non mais c'est terminé maintenant, on fait la conclusion et c'est terminé. Oh là là, allez, regarde. Non mais vous foutez. Fais-moi ça là. Et puis toi, t'arrêtes avec ton double son, d'accord? Ok. Un des auditeurs de décrocher son téléphone. Celui qui a le téléphone qui sonne, arrête aussi, ça m'énerve. Bah qu'il le décroche. Tu décroches, tu réponds, tu lui dis que t'es occupé, terminé, au revoir. Manu, Fildar, tu arrêtes s'il te plaît. Tu arrêtes. Tu fais rien. Oh, j'ai peut-être trop t'es un coup là. Regarde. Tu fais rien, qu'est-ce que tu fais à l'instant? C'est l'insert ça. C'est l'insert. Ouais, je vais péter un coup. Vous arrêtez avec le téléphone. Lâche-toi ou quand on en est, c'est bon. Ouais, on peut y aller. Suceuse. Ouais, grave. Moi, je vais péter. Conclusion. Ah non, pas déjà, vas-y, finis ton travail. C'est terminé. Vas-y, finis ton travail. C'est terminé. Il reste 5 minutes. C'est terminé. Nous, 40, je crois qu'il reste au direct. Allez hop, c'est terminé. Termine. Suceuse pour conclusion. Ouais, c'est juste pour conclure, c'était pourri, quoi. Je sais pas essayer de nous relaxer un peu, GG. J'ai 3 ans. Et je t'emmerde. Ah, y a quelqu'un qui... Tu m'emmerdes, et ben moi aussi. Alors va te faire foutre, suceuse, au revoir, bonne nuit. Armageddon. Bah écoute, malgré l'épais, ça a été un bon débat. Moi je pense qu'il y a des gens malades, faut qu'ils se soignent, là on entend, ça a l'air de faire mal. Sinon je pense que... Oh là là, Gérard, je peux pas, là, il y a l'odeur. Non mais laisse tomber, c'est... Fais là, tu arrêtes. Il fait rien. Arrête un peu, regarde, y'a rien. Ouais, assis toi, y'a rien. Arrête un peu, Nathan. Y'a rien, j'ai essayé. Biche. Manière, t'es vraiment un cab. Tu le fais exprès. Donc, Armageddon pour terminer. Ouais, je pensais que le débat était bien. C'est dommage que l'équipe ait foutu le bordel. Bon, bah, ça change pas. De toute manière, c'est tous les ans. Oh, s'il vous plaît. Manier, t'éteins ton micro. Le mec. Oh là là, moi je pense. GG. Vous êtes bien les deux enfoirés de l'équipe, hein. Les deux PD de l'équipe, c'est bien vous. Princesse Léa pour conclure. Attends, non, mais c'est le 2 là, c'est. Il a pas fini, laisse-le finir. Oh, tu t'écrases, s'il te plaît. J'ai pas fini. Toi, tu arrêtes. Mais il fait rien. Il répond à ta conclusion. Oh, le mec. Dégage, il s'en met une de ce coup-là. Vas-y, rends ça à ta place. Passe à ta place, vas-y, achète-toi mon biquet. Tu vas te casser tes os de poulet. Ouais, tu vois. Manière, c'est terminé, parce que tu peux plus partir de l'équipe avec moi. Regarde ta hanche, elle est oxydable. Ouais, c'est clair. Donc, Armageddon pour terminer. Je vais rajouter un peu d'huile sur le feu. Moi, je pense qu'après ce que Fildart a fait, moi, je le courserai dans les couloirs et je le savaterai. Non, mais t'inquiète pas, Manière, c'est le dernier débat qu'il fait avec moi. Alors, tu peux pas. Moi, je pense. Princesse Léa. Ouais, mais moi, écoute, je te dis, j'ai beaucoup appris dans ce débat. Surtout, j'ai eu la preuve que, pour être assez con, c'était forcément un extraterrestre. Non, D'accord, eh ben, toi, pour être une princesse, faut vraiment être taré. Bonne nuit à toi. Et Poussin, pour terminer. Bah, moi, j'ai pas vraiment de conclusion. Je voudrais juste savoir, j'ai entendu une rumeur, Roselyne, elle suce encore son pouce ou pas? Roselyne, à ton merde, et je te dis au revoir. Merci, salut. Voilà. Donc, conclusion sur l'IRC, on peut savoir à combien on a terminé? Alors, on a terminé à 8742. Ce qui est pas mal pour une reprise. Et mis à part Snows qui te kiste énormément, on a quand même quelques conclusions au passage sur ton débat. Il y a Yankee qui dit que comme TF1 a la gaffe et son extraterrestre le Big Bill, Fun Radio a Max et le Big Beauf. Alors tout est possible, sans aucun doute, etc. C'est exclusif. Sinon, conclusion, il y a Perforas et Fesses de Bab qui retiennent ta grosse extraterrestre en otage à l'accueil d'RTL. Faudrait peut-être que tu te dépêches de finir. C'est ça. Chaud. Allez, pas en bas. Et tous ceux qui ont entendu l'appel à voir des extraterrestres au Trocadéro, c'était pas des extraterrestres, c'était des gens qui distribuaient des tracts Sodom Tour. Alors, Gérard, si tu pouvais quand même. Non, mais de toute manière, c'est même pas la peine qu'ils y aillent le 26 parce qu'il y aura rien, donc c'est pas la peine de vous déplacer. Attends, il y a la grosse de Gérard qui est en bas. Eh, la grosse, ça t'emmerde, espèce de connard. Il est là. Oh, pardon. Et la tienne, elle est en train de se faire sucer. Oh, moi, je suis là. D'accord. Je suis là, en privé. Pardon. Donc, c'est terminé. Terminé les conclusions. Ah non, conclusion, excuse-moi, je peux encore t'en sortir quelques-unes. Conclusion de Snooze, un extraterrestre comme un ovni, c'est tout ce qui ressemble à un terrien avec un déguisement. D'accord. Bah, moi, pour moi, je veux un peu de musique pour la fin quand même. Vas-y, ta conclusion. Tu mets ton sang. Ok, on peut même pas se marrer quoi. T'as enduré une prison. Mais conclusion. Et quoi? C'est comme ça! C'est pas quoi, bordel, là, qu'est-ce que vous foutez là? Tu demandes un. C'est la merde! Ah, attends, on fait la conclusion, dis au revoir! Bah ouais! Dis au revoir, eh oh! Et refuse ça, ah ouais, genre, vas-y! Son conducteur! Fais gaffe parce que tu as morflé! Putain! Mais c'est pas moi! C'est pas lui! Il a! Mais faut éteindre ça! Ouais. Conclusion du débat, c'était le bordel avec Manu Fildar au standard comme avec Fildar au standard, c'est le bordel. À l'arrière, c'était le bordel. Manu qui a rien foutu, Noémie qui a pas voulu épauler Fildar, Manu. Donc c'est ça. Ça a été un vrai bordel, donc c'est terminé. Si tu veux chuchoter, les tétons. Il y a toujours des gens qui peuvent bien voir le débat. Manu à cause, vous allez retrouver Rousseau, au revoir. Si tu veux lui chuchoter les poils des Fildar, appuie sur la touche. C'est qui, connard? Mais quoi, j'ai pas de micro, moi. Allô? C'est qui est à l'aria? Je sais pas, c'est moi. C'est qui prend après? Bah, c'est toi. Bah, ça dépend, tu veux lequel. Mais vous fermez vos gueules, vous savez pas qui c'est qui... Vous travaillez ici, vous savez pas qui c'est qui reprend. Il y en a plein qui sont chauds, là. Tu peux les prendre, C'est qui veut, là? Levez la main. C'est qui, espèce de connard? Les quatre, là, ils veulent te prendre, hein. Y'a pas de problème. C'est qui reprend, là? Bah, je sais pas. Derrière, putain, vous êtes... Vous êtes des branleurs, hein. Alors, attends, bah, ça joue à Pierre Ciseaux-Feuille. C'est incroyable. 1, 2, 3, 4... Ouais, c'est moi, la nuit sans pub. Non, mais arrêtez, c'est qui? C'est qui? Hein? J'entends rien ce que tu dis. Vous êtes douché. Olivier de la Pro, tu veux faire la nuit sans pub? La nuit sans pub. Tu peux pas, t'as des trucs à faire? Ouais. Ah, il a les fans embrouillés. Mais quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Arrête, Olivier. C'est qui reprend? Bon, c'est lequel alors, Manu? Je sais pas, moi. Bah attends, mais c'est... Il y a un animateur dans c'est le qui bord, c'est toujours parce que ça l'énerve, ça le... Qui viennent, hein? C'est le taxi? Non, mais c'est qui? C'est quand même incroyable, je sais pas. Non, mais vous avez vu le bordel ce soir, l'émission? Bah attends, je vais me renseigner, je vais appeler la direction. Mais non, mais attendez, c'est pas du boulot, ça. Combien on finit sur Internet? On a fini à 8842. Ah, on a monté entre-temps, 8824. Ah, 8824. Non, mais c'était le bordel, alors c'est simple, je pense que le mois prochain, on verra. Bah Noémie, t'as rien foutu? Non. J'ai fait mon possible. Non, toi aussi, putain, tu fais pas ton... Voilà, bah c'est qui? Il sait pas, c'est qui, tu sais pas? C'est Jérôme, il paraît. Ah non, c'est pas vrai, n'importe quoi. Attendez, le mec qui prend l'émission derrière, on peut même pas savoir que c'est. Mais c'est Jérôme sur Fun Groove Dance. J'ai peur rien, il m'a dit ça. Mais non. On va lui demander en face comment il s'appelle. Ils ont mis un bottin pour chez Jérôme. Non, mais reste là. Tiens, voilà, il arrive. Ah, bah voilà. C'est moi. Voilà. Je dis ton nom. J'ai pas de nom. Bah, il a pas de nom. C'est pour ça, on est emmerdé, quoi. T'as pas de nom. Bah non. T'es un mec qui vient faire la nuit sans pub, sans nom. Exactement. Eh ben c'est bien, alors donc, c'est lui. Conclusion, de toute manière, comme j'ai dit, ça a été le bordel, donc, ça a été le bordel avec l'autre à la réa, qui a rien foutu, qui foutait sa merde avec les doubles sons. Au standard, c'est encore pire, c'est la catastrophe complète, ça a été la catastrophe. Il n'y a que sur l'IRC que ça a bien fonctionné, c'est tout. Il n'y a que l'IRC qui fonctionne bien. Bah oui, ça parle pas, c'est normal. Bah ouais, mais au moins, ils sont moins cons que vous, parce que quand il y a des questions, ils nous les donnent. Ils s'amusent pas à faire des conneries comme ça. Parce que s'ils parlaient, ils te diraient tous que ta mère, elle va jumper. Bah, enfin, bref, on s'en fout. Alors, on va s'écouter le petit Roosevelt avec Ils ont pris mes fesses pour un trou noir, c'est pas mal. Et les partouzes martiennes avec tes grosses antennes m'excite la ma cochon, bien sûr. Et donc, vous allez retrouver, donc, je sais pas qui pour la. C'est lui. Bah, c'est lui, on sait pas qui c'est, donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai derrière d'autre dimanche t'es où toi ce week-end? T'es à la loco, y'a rien? Dimanche, c'est quoi soir. Le dimanche? Moi, on peut faire un truc, si tu veux. Ouais. Dimanche, toi, tu vas venir bosser avec Max, ça va te changer un peu les idées, parce que comme invité d'honneur, t'as... C'est qui? C'est moi. William Beat. Donc, pour la nuit éclectique. Il y a la nuit guest pour ça, sans un mec qui soit là. T'as raison, écrase. Et donc, Balam nocturne à minuit, ça sera la... Balam. Le Larsen, merci. Et ça sera la... combien de... Oh! Merci Manu, quand même, quand je parle, ça sera la combien de... Manu! Oh! Hein, quoi? Eh, gros con! J'entends rien. Ouais, t'es boussé, bah, t'as fait peur, déboucher les oreilles! Tu lui coupes son micro! Putain, je vais écouter un canif. J'ai brûlé le câble. Noémie, tu m'éteins le micro, s'il te plaît. Je t'éteins, mais ça va être la 1036e déclectique. Combien? 1036. 1036 déjà? Attends, ça passe, hein, mon con. Hein. T'as bientôt 60 ans. Bon, Gérard, t'accouches? Oh là là, le micro! Le micro, Noémie! C'est un an, putain! Voilà, coupe le casque. Bon, ça m'étonnerait que ça soit la 1036e. Hein. Non, je sais plus combien c'est, n'importe quoi. Bon, enfin bref, donc... Ouais, faut envoyer le 10 parce qu'on va au Queen, là. Je te les annonçais, espèce d'andouille. Bah, bientôt, on va au Queen, va te laver. Eh ben, va te laver les fesses toi-même, mes connards. Et donc, je salue particulièrement... Salut. Tout le monde, à part les deux branleurs qui n'ont rien foutu. Donc, Rigo, ben, je te souhaite bonne continuation pour la suite. Merci, bah, toi aussi. On a reçu un mot du cuistot du foyer qui dit pas ça le bonjour. On espère te revoir pour le réveillon de l'an 2000. Pour la fin mars, sur le débat qui va, voilà. Qui va porter sur les routiers de la Sibylle, ouais. Justement. En espérant que les deux caves. Se calme parce que les routiers vous emmerdent à tous les deux, vous êtes bien contents de les avoir pour avoir votre essence, d'accord? Ah non, mais... Alors, en de bon entendeur, salut! Attends, mais moi je roule au GPL, je n'ai rien à branler. En de bon entendeur, salut! Je n'ai rien à branler des routiers, je roule au GPL. Oh! Et ça sent. Les routiers, de toute manière, ils sont moins cons que vous. Et heureusement qu'on les a, parce que sinon on n'aurait pas d'essence. On n'aurait pas de grève sinon, c'est vrai. Ouais, ben heureusement qu'on les a. Donc voilà, donc sur ce, bonne nuit à tous et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et ah, ben je sais pas. Peut-être dans la Sibylle, il y a peut-être des surprises.